Salut tout le monde, c'est Sai, bienvenue à la 26e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. Et pour cette émission, j'accueille Cyril. Salut Cyril. Salut Sai, salut tout le monde. Ça roule ? Ça peut t'aller comme toujours, tu vois. Entre ça peut t'aller, voilà, ça, tu vas me sortir à chaque fois. Ouais, ouais, c'est ma marque de fabrique, tu vois. C'est... Dans le sud-ouest, ça peut passer, tu vois. Ça peut t'aller, quoi. Voilà, non. D'accord, ça peut t'aller. Ça marche. Ensuite, baptême du feu pour un tout nouveau membre, c'est Majo. Salut Majo. Salut Sai. Salut Cyril. Salut Majo. Ça va, t'as pas trop les jetons, là ? C'est bon ? Non, si, si, j'ai ma petite voix timide. Bon, faut être serein, on est notre pote, hein, t'inquiète. Hein. Ouais, ça va bien se passer. Ça va le faire. Surtout que, donc, on va revenir. T'as été un petit peu notre reporter, envoyé spécial. Envoyé spécial, ouais. Non, t'as fait, l'envoyé spécial, ouais. Merci. Sur la Paris Games Week cette année. Ouais. Où tu as pu un petit peu t'imprégner de l'ambiance générale sur les stands, notamment Sony. Et tu veux nous dire un petit peu, voilà. Tu veux nous dire un petit peu ce que t'as vu et voilà, vas-y, fais-nous rêver. Allez, je vais pas vous faire rêver des masses parce que bon, c'est pour ma part, c'est la deuxième Paris Games que je fais, donc j'ai fait celle de l'année dernière et celle de cette année. Et déjà c'était beaucoup moins bien que l'an dernier. Voilà. On va commencer comme ça le cadre est posé. Ça va pas faire rêver, quoi. C'était pas la meilleure. Non mais bon, après il faut on va aller un peu plus loin dans l'explication, mais c'est vrai que c'était pas la meilleure des deux, quoi. Donc qu'est-ce que j'ai vu? J'y suis allé. Alors moi je suis un pro PlayStation, hein. J'ai une PS4, j'ai eu une PS3, une PS2, etc. Je me présente un peu pour le passif, raconter mon histoire, du coup. Et du coup, c'est toujours un peu l'enthousiasme quand on arrive sur le stand PlayStation. Alors l'année dernière, c'était pas le plus gros, c'était le plus gros stand, c'était celui de Fortnite. Je pense qu'ils ont dû tellement lâcher de budget l'année dernière. Mais si, ils avaient une arène de jeux enfants et tout. Enfin bref, ils ont tellement dû lâcher de budget que cette année, je crois limite il y en avait pas, en fait. De mémoire, j'ai pas eu de stand Fortnite. Bon, par contre, tu l'avais partout. Sur tous les stands, t'avais du Fortnite. Bref. Donc Sony et le stand PlayStation, c'est le deuxième plus gros stand du salon. Je crois que cette année, c'était le premier. Ouais. Et donc il y a tout un tas de jeux à essayer, une grosse ambiance aussi parce qu'il y a une espèce d'énorme scène où ça distribue des goodies à gogo dans la fosse aux zombies en bas. C'est un peu le sentiment que ça me fait. Ils ont tous les bras en l'air, ils sont là, ils sont heureux. C'est ça. Ils ont fait deux heures que pour ça, donc ils peuvent Mais c'est vrai, c'est un peu ce que je me dis aussi des fois. Mais bon, c'est ça la magie de la Paris Games Week aussi, c'est l'ambiance qu'il y a sur tous les stands et tout qui fait que c'est un peu magique, quoi. T'entends des sons de partout, ça explose, ça crie, c'est la joie, quoi, si tu veux. C'est aussi ça qui est sympa et ça met de l'ambiance sur le stand. Et donc après, y avait pas mal de jeux à tester. Alors j'ai testé quelques nouveautés. Tu veux que je commence par quoi ? Par les jeux normaux, les jeux VR ? Ce que tu veux, par exemple, ce qui t'a le premier. Tu peux y aller chronologiquement, par exemple, le premier truc que t'as testé quand t'es arrivé. Alors le premier truc que j'ai testé. Attends, j'ai une question. Quand t'es arrivé sur le stand, t'as crié aussi, t'as hurlé partout, t'as sauté, t'as gesticulé. Non, j'ai fait comme j'ai fait maintenant. Je suis timide comme garçon. J'ai pas fait de bruit. Je me suis faufilé juste pour accéder le premier à la première expérience que j'ai passé en force, quoi. D'accord. Ouais, c'est ça. le premier truc qu'on a fait. Ça va un peu être contradictoire avec ce que je viens de raconter, mais c'est pas du tout sur le stand Sony. C'est on a été voir Cyberpunk 2077. Ah. Et le Messi. Ouais. Alors le Messi, oui et non. Ça va être un petit coup de gueule que je vais passer aussi. En fait, un petit cube quand t'arrives avec une file d'attente normale, quoi, tu vois. Et en fait, quand tu discutes un peu avec les gens, ils te disent que il y a pas de gameplay. Enfin, il n'y a pas de gameplay, pardon. Le jeu n'est pas jouable. Et en fait, tu vas entrer dans une espèce de salle de projection ciné, donc avec un écran, je ne sais pas, ça devait être quelque chose comme 100 pouces, un bel écran quand même, et une centaine de places assises. Et en fait, derrière toi, t'as un mec qui joue, alors qui n'est pas français d'ailleurs, qui vient du studio, je crois, si je dis pas de bêtises, et qui joue en direct, qui te fait une démo en direct live. Et en fait, la démo que tu vois, c'est typiquement celle qui a été présentée, je sais plus si c'est au Tokyo Game Show ou à l'E3 2019. D'accord. Donc c'est une démo qui avait été présentée, non pas du tout, c'est une démo qui a été présentée en behind closed door, pardon, je crois que c'était au Tokyo Game Show, aux journalistes. D'accord. Voilà, donc c'est une démo qui durait 45 minutes, je crois, et qui a été diffusée sur YouTube le lendemain. D'accord. Donc déjà, tu te dis, niveau exclusivité, t'es un peu limité quand même quand tu payes ta place quand même 20 balles. Ouais, c'est sûr, mais à mon avis, c'est vraiment une question d'organisation. C'est-à-dire que 100 personnes, 45 minutes, si tu dois tous les faire jouer pendant même ne serait-ce que 5 minutes, déjà, ils en profiteraient même pas. Et putain, au niveau de l'organisation et de la file d'attente, ça doit être un truc, ça doit être voilà, 4 jours d'attente. Hein. Écoute, on en parlera un peu plus tard de la file d'attente, mais je peux te dire que on a fait un truc qui est formidable, qui par contre nous a pris énormément de temps pour pouvoir y accéder. Donc je pense que c'est jouable, franchement. D'accord. Oui, c'est jouable. Oui. Il y avait, Donc. je sais plus quel jeu de guerre l'année dernière, là, j'ai mangé le nom. J'ai Medal of Honor en tête, mais c'est pas du tout ça. Et Battlefield. Battlefield, voilà, tu passais par, t'as dû le faire aussi, tu passais par chariots entiers et tu jouais quoi. Bon, c'était du multi, mais tu jouais vraiment quoi. Et on devait passer par 30 ou 40, pareil, donc il y avait de sacrées fournées. Hein. Ouais, parce que j'allais te dire, après t'as des stands, t'as le stand Bandai Namco où t'avais Dragon Ball Z Kakarot qui était en test et les mecs ils avaient une cinquantaine de bornes. Donc effectivement la queue était longue, mais par contre Tu pourras en profiter quoi. ils faisaient sortir tout le monde d'un coup et en fait là ça avançait super vite quoi. Donc c'est-à-dire que t'as l'impression qu'il y a beaucoup de monde, mais en fait t'as quoi, t'as 15 minutes de jeu, donc en gros toutes les 15 minutes t'as 50 personnes qui passent quoi. Donc ça va quand même relativement vite. Donc, D'accord. je reviens à Cyberpunk du coup. Donc, on a vu. Donc, c'est 45 minutes de gameplay. Bon, je vous la fais courte. Hein. On a vu le décor, on a vu un peu l'ambiance, des échanges entre personnages. Donc, le héros qui s'appelle V, qui peut être soit un homme, soit une femme. C'est assez important parce que ça devient de plus en plus à la mode. Et puis Ce qui voilà. est pas Donc, un mal après. d'ailleurs. Non, non, non, non, non. Bon, enfin, après, plus on a de choix, mieux c'est. De toute façon, c'est comme tout. Et puis, bon, tu fais diverses interactions. Donc, c'est un univers cyberpunk. Alors, l'environnement est formidable. Franchement, il est magnifique. J'ai vu des retours comme quoi graphiquement, c'était pas top. Techniquement, tout ça. Ça aussi, c'est un truc que je voulais rajouter. Gros bémol quand même sur la qualité de la diffusion. J'avais vraiment l'impression que la vidéo elle était encodée franchement avec je sais pas, enfin je vais exagérer, mais filmée avec un téléphone portable d'il y a 15 ans. Ah ouais, carrément. Ah ouais, mais en fait t'avais une espèce De de cible en voile. fait. Non, pas un voile, une cible. Ça faisait comme t'avais un petit cercle et puis un autre cercle autour et encore un cercle, encore un cercle, encore un cercle. Dans les angles, au niveau des zones sombres, ça pixelisait, tu vois, donc. Le rendu était pas top et je pense que le jeu en lui-même est beaucoup plus beau que ça. Et en fait, ce que je trouve dommage du coup dans ce genre de diffusion, et à juste titre, puisque j'ai lu des articles justement sur ça, ils mettaient l'accent sur le fait que techniquement c'était pas le top. Et j'ai du mal à savoir comment tu peux juger ça en partant du principe que déjà la vidéo qui te retransmet le jeu n'est pas qualitative. Ouais, c'est le système de Donc diffusion en fait sur le salon qui est pas bon quoi. Les voilà. réglages tout simplement. C'était Après, pas la rétroprojection, en plus au c'était niveau un de écran. l'ambiance. Pardon. Non, non, c'était. Oui, c'était un écran, pardon. C'était pas de C'était la un écran, rétroprojection. non. Ouais, c'était un écran. Ah, Et bizarre. après, au niveau de l'ambiance sonore, c'est pareil. Malgré le fait que ça soit un box cloisonné sur les côtés, au-dessus, ça reste une toile. Donc, tu as tout le son quand même de l'appareil Game Suite qui est là. Oui. Ouais. Et c'est pas non plus l'idéal pour l'immersion. Donc. Peut profiter. Voilà, en termes d'expérience, comment dire, juger l'immersion du jeu et la qualité graphique, je pense que Ouais, c'est pas le meilleur. tu peux pas être objectif dans ce genre de conditions. Ouais, d'accord. Voilà. Par contre, s'il y a un gros bémol que je dois mettre sur le jeu, et ça c'est vraiment, alors j'étais pas tout seul à la Paris Games Week, j'étais avec un ami à moi, donc du coup je lui fais un petit coucou, salut Mika d'ailleurs, Salut Mika. Mika. Et on a eu le même avis tous les deux, en fait, c'est l'intelligence artificielle. C'est une catastrophe. Aux fraises, encore? Oh, Putain. aux fraises, ouais, même plus que ça. Alors, du coup, on a discuté avec avec la personne qui faisait la démo à la fin. On a été le voir et on lui a demandé à quel niveau de difficulté il jouait. Donc on s'est dit, le mec il doit jouer en easy et tout pour les besoins de la capture, Pour pour montrer, ouais. passer. Voilà. Et pas du tout, il nous a dit qu'il joue en médium. Et en Ah. fait, pour te décrire le truc, c'est que bon, au bout d'un moment, tu es dans un espèce de supermarché désaffecté. Et bah, tu as plusieurs techniques d'approche. Donc soit tu peux la jouer furtive, soit tu peux la jouer donc, tu sais, en te planquant, en passant derrière comment dirais-je, les plantes, etc. Enfin, traditionnelles. Ou alors la jouer un peu plus bourrin, tu rentres dans le tas et tu te fights. Et en fait, c'est plus sur ce côté-là qu'on voit la défaillance de l'intelligence Ouais. artificielle. C'est que bah, quand il y a baston, alors il y a énormément d'adversaires. Par contre, les mecs, c'est des plantes vertes, quoi. C'est-à-dire que Super. ils vont se spotter devant toi, mais à vide. C'est-à-dire qu'ils vont même pas avoir d'armes à la main, donc ils vont se mettre en face de toi, ils vont dégainer devant toi, mais ils vont bien prendre leur temps. Et ensuite, ils vont commencer à shooter. Bon, forcément, ils sont pas hyper précis, donc les deux trois premières balles, elles tirent à côté, tu vois. Enfin, Ouais, c'est tout des un tas Stormtroopers, de. quoi, ils sont nés pour mourir, en fait. C'est un C'est peu ça, ouais. un peu ça. J'avoue que c'est un peu ça. Donc voilà, s'il y a vraiment un bémol à mettre pour l'instant sur le jeu, c'est ça. D'accord, Après, ok. il est magnifique, l'environnement est formidable, il y a vraiment de la vie dans je sais plus comment s'appelle la ville, Night City, je crois que c'est ouais, ça. Et il y a vraiment de la vie et ça donne quand même envie d'y jouer parce qu'il a l'air très beau et très très prenant, très intéressant. Mais vraiment, enfin, il y a encore du temps, ils ont pas 5 ou 6 mois, je crois que c'est prévu pour avril ou mai 2020. Ouais, il est pas finalisé encore, quoi. Non, Non, je pense pas. j'espère qu'ils vont faire un effort de ce côté-là parce que franchement, pour moi, il y a du travail, quoi. De ce qu'on en a vu, du moins, pour moi, il y a du travail. Ah, c'est des projets, hein, on peut leur faire confiance, hein, je pense. Ouais, tout à fait. Moi, ils m'ont jamais déçu, en tout cas. Donc, ok, très bien. Et donc, du coup, après, t'as pu voir d'autres jeux un petit peu? Ouais, alors sur le stand de PlayStation, on avait Predator, qui est plutôt pas mal. C'est un jeu un peu comme. Il me semble qu'ils avaient fait un Vendredi 13 où c'était un peu le même principe. T'avais 4 joueurs contre Freddy Ouais, en ou multi. Jason. Non, c'était Jason. Ouais, c'est ça. Mais là, c'est un peu la même chose, mais avec Predator. Donc, t'as 4 joueurs et des bots contre un Predator. Donc, c'est du multi online, je crois, pas Asymétrique. local. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y avait? Alors, ils nous ont remis des vieux jeux de l'an dernier quand même. Il y avait Concrete Genie, il y avait Kingdom Hearts 3, il y avait. Bah, c'est tout, je crois, pour les vieux jeux. Et Concrete Genies, il montrait un petit peu la version VR ou pas du tout? Pas du tout. Pas Non, du tout. aucun, Ah, non, putain, c'est aucun dingue ça. casque. Je te le garde pour la fin, ça. Mais. Encore un coup de gueule. Et concrètement, alors là, vu que Concrete Genie, il n'y avait pas de mode VR, il y avait quoi en VR Ah, sur le donc stand? tu veux pas attendre la fin, du coup, tu veux que je te le dise que maintenant. Ouais, Ben, ma grande déception, il n'y avait que Iron Man VR. d'accord. Ouais. Oh, et Voilà. ça fait sec, hein, quand même, hein. Ben, alors oui, effectivement, ça fait sec. Moi, je vais le dire honnêtement. Alors, je voulais l'essayer parce que c'est un jeu VR, donc forcément, moi, j'adore ça. Je l'ai pas précisé au début, mais oui, j'aime la VR aussi. J'adore la VR. Bah ouais, c'est pour ça que t'es là. Un petit peu. Ça méritait, pardon, d'être souligné. Et du coup, ouais, très honnêtement, j'avais très peur avec ce jeu. Alors, le jeu n'est pas fini, hein, j'ai pas essayé le jeu entier, mais ça m'intéressait pas des masses, quoi. Honnêtement, en voyant les trailers, D'accord, t'étais pas je me suis dit, emballé. ouais, bah, fin, après, si au State of Play, je me suis dit, ça a quand même l'air d'être un jeu sympa, un Iron Man en VR et tout, c'était beau. Et puis après, on a vu un peu plus de gameplay dans les trailers suivants, et puis je me suis dit, ouais, franchement, ça a l'air assez moyen, c'est un shoot, ça a l'air très dirigiste, Un peu bas du front, toi, quoi. t'as eu la Un peu. démarche inverse de beaucoup. C'est-à-dire qu'à la Ouais. sortie du State of Play, tout le monde a dit ça a pas l'air terrible. Et C'est les ça. trailers suivants, ils ont été emballés. Toi, t'es à l'opposé. C'est marrant. Ouais, moi je suis pas comme les autres, moi j'aime être différent. L'anticonformisme, on appelle ça. Et non, ben, après, peut-être c'est ce qui a aussi influencé mon jugement, c'est le fait que ben, j'en attendais peut-être moins que les autres. Mais Honnêtement, j'ai été très très agréablement surpris déjà parce que c'est du déplacement libre. De ce que j'en ai essayé, c'est du déplacement libre. Alors, j'ai pas, j'avoue, la démo était très courte. Ça aussi, c'est un truc que je trouve pas très cool, mais c'est les aléas des stands avec Oui, il les faut faire tourner, VIP, hein. Ouais, etc. faut faire du monde. Mais la démo est bien plus longue que ce que j'ai essayé en fait. D'accord. Et c'est lors de mon deuxième essai en fait où j'ai constaté qu'on pouvait jouer à la deuxième partie de la démo, contrairement à ce qui m'avait été annoncé la veille pour mon premier essai. Et je trouve ça un peu dommage dans le sens où, bah, encore une fois, je reviens à ce qu'on disait au début, tu payes quand même 20 balles l'entrée du truc, c'est pour en profiter, pour essayer des jeux, pour avoir le temps, surtout que tu prends rendez-vous. Quand tu prends rendez-vous, parce qu'il faut quand même se loguer sur l'application PlayStation Experience, c'est bien marqué que c'est des sessions de 15 minutes. Et au final, la session n'a duré que 7 ou 8 minutes. Enfin, je crois que c'est le temps de la vidéo où mon pote me filme. Parce que mon pote était aussi mon caméraman. Ça sert d'avoir un pote, Et gratuit, hein, je ne l'ai pas payé. C'est vrai. Merci Mika. Merci Mika. Et du coup, ouais, je trouve ça dommage. Et en fait, ils nous l'ont avoué à demi-mot, c'est que ben, ils ont tellement de demandes et tellement de besoins de faire passer les gens qu'ils ont été obligés d'écourter la démo. Mais C'est un peu donc dommage. voilà, pour dire que donc j'ai pas eu le temps de tout tester, de voir quelles étaient les limites du déplacement libre et tout ça, mais on est vraiment, enfin, on est dans une zone assez vaste et le déplacement se fait de manière assez instinctive. J'ai trouvé que c'était assez dynamique aussi. C'est très rapide. Peut-être un peu moins sur les phases de descente où au début je me laissais tomber par mon propre poids et en fait c'est mon pote qui m'a dit non, non, mais quand tu veux descendre, il faut que tu lèves les mains en l'air et du coup ça te fait descendre plus vite. Et c'est vrai que j'y avais pas pensé. Mais comme quoi le gameplay est quand même, je trouve, poussé assez loin. Au niveau des déplacements La avec les... sensation de vitesse, elle est vraiment présente parce que bon, dans la vidéo là Franchement, qu'on a fait, du ouais. coup, ça se voit pas sur l'écran plat que tu quand tu Les accélères. masses, On voit que ouais. tu accélères, mais j'avais pas cette impression de vitesse en fait. Franchement, ouais. Ouais. C'est pas... Alors, c'est sûr, ça reste de la VR, donc t'attends pas à être décoiffé dès que tu vas mettre la poussée. Mais en fait, t'as comment dire, t'as une première poussée, je dirais, standard, qui va te faire avancer normalement. Et en fait, après, t'as un espèce de boost où tu fais double clic sur les triggers de chaque move, en fait, et ça te fait une espèce de poussée supplémentaire. Et donc sur une plus courte durée, mais ça te fait ouais comme une espèce de comme du noce si tu veux sur un quelconque jeu de course. Voilà, ça va faire un peu cette impression-là. Mais non non franchement j'ai été assez surpris. Ouais, c'est une bonne chose. Le petit bémol moi que j'ai eu après comme je disais pour mon deuxième essai je m'y suis habitué mais c'est vraiment je reprécise, c'est une démo, j'ai pas testé le jeu, mais je pense qu'il y aura certainement des évolutions là-dessus. C'est le fait de pivoter en fait. Si tu veux pivoter à droite ou à gauche, c'est un bouton différent, mais par move. Donc c'est-à-dire que pour pivoter à droite, ça va être le bouton rond sur ton move de droite, et pour pivoter à gauche, ça va être le bouton croix, je crois, de ton move de gauche. Ouais, d'accord, c'est un petit peu comme Immortal Legacy, les premières commandes qui étaient proposées dans le jeu, Moi je quoi. trouve ça pas Voilà. mal, hein. Pas instinctif. Ouais, c'est pas ultra instinctif, hein. C'est-à-dire qu'en fait, Au ça départ, en tout cas. C'est ça, parce que voilà, la deuxième fois que je l'ai fait, je m'y suis un peu plus habitué. Donc le parcours du tuto, je l'ai fait beaucoup plus rapidement. Mais c'est vrai que c'est un peu déroutant au début, surtout quand tu joues à No Man's Sky ou même à Skyrim où tout est Ah sur le bah ouais. même ou tout est sur le même move pour des jeux en déplacement libre. C'est vrai que Ouais, mais c'est un peu. tu dis aussi bien tes mains là. Oui, tout à fait. Mais bon, c'est vrai que machinalement, si tu veux, j'avais pas le réflexe de le faire D'accord, sur ma ouais. première session. Après, par contre, ce qui est très bien et du coup, c'est ce qu'on reproche un peu au Move sur les jeux normaux, c'est que les triggers servent pour avancer. Donc, c'est-à-dire que c'est pas le bouton du Move. Donc, ça laisse encore comment dire, une autre possibilité avec les deux boutons Paste Move, donc qui sont les boutons pour les lasers au creux de tes mains. Et ça aussi, c'est hyper bien fait. Alors, il y a un autre petit truc, c'est pareil, quand tu es trop loin, j'ai remarqué ça aussi sur ma deuxième vidéo, quand tu es trop loin, tu peux pas vraiment viser ta cible. Tu as une visée, alors c'est toujours pareil, c'est le tuto, donc je sais pas comment ça sera à la fin du jeu, enfin sur le jeu final, pardon, et tu as une visée un peu assistée. Donc, c'est-à-dire que tu vas te rapprocher de l'élément que tu veux détruire et tu vas avoir une espèce de cible. Je pense que vous l'avez vu, une espèce de triangle qui va se mettre autour de ta cible. Et, Ouais, tu la loques. Ouais. et voilà. Et une fois que tu as la main dans sa direction, si tu veux, le laser il est plus ou moins guidé dans sa direction. Mais c'est vrai que si tu es trop loin, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à viser. Donc, je pense que c'est aussi pour avoir un côté un peu plus arcade et un peu plus dynamique dans le jeu, à mon Bah, avis. t'auras Parce que peut-être d'autres armes aussi. Voilà, alors, ouais, c'est ça. Je pense. Enfin, j'espère, du moins, parce qu'il n'en a pas qu'une. Tu vois, par exemple, bon, je pense que tout le monde connaît Iron Man, il en a une sur le torse. Enfin, il a quand même un espèce d'énorme laser sur le torse. Il y a pas mal de nanotechnologie à la fin des Avengers. Enfin, il y a plein d'autres trucs qui sont possibles. Donc, T'as pu voir je. justement un petit peu, t'as eu l'occasion de voir un petit peu dans les options et voir justement s'il y avait un système de progression, de customisation du personnage un peu? Il n'y a rien. Y a Rien du rien? tout. Non, non, non, non, c'est vraiment une version de démo, c'était pas une version Ah oui, d'accord, définitive. ouais, Ah ouais, ok. non, c'est vraiment. Ça veut Même pas dans dire les qu'il y aura rien options. dans le final, quoi. Non, même dans les. Non, non, je te dis là-dessus, je me prononce pas parce que pour moi, c'était vraiment une version de démo faite pour être essayée à n'importe quel salon. C'était pas du tout le reflet du jeu final. Ok, t'as entendu un petit peu les gens justement qui sortaient de cette expérience, enfin de cette démo-là et un petit peu les retours qu'ils avaient dessus? Y a un peu de tout. Il y a un peu de tout, il y en a qui ont trouvé les commandes très compliquées, donc c'est pour ça que j'insiste bien sur le Ouais. fait que j'ai fait une deuxième session et que ça s'est beaucoup mieux passé que la première, parce que il faut pas s'arrêter au fait, ah, c'est compliqué, on va pas y arriver, machin, et puis bon, bah, la VR demande quand même une prise en main relativement différente de tous les autres jeux, hein, de En toute tout cas, façon. ouais, c'est sûr. Donc, bah, j'ai un peu envie de dire que chaque jeu te demande une adaptation différente. Oui, Au d'accord. niveau des contrôles. Donc, il y en a qui ont parlé de ça en point négatif. Après, en point positif, tout le monde l'a trouvé très beau. Enfin, tout le monde. J'ai pas interrogé tous les gens qui sortent du stand, mais T'aurais bah, dû. t'aurais dû. Ce que je pense que je me serais fait virer au bout d'un moment. Non, non, la majorité des gens l'ont trouvé très beau. Et assez dynamique aussi. Mais après, voilà, enfin, encore une fois, je me répète, mais c'est une démo. Donc, prends un jeu, t'allumes ta console, tu l'essayes 8 minutes en partant du menu, et puis tu te fais un avis. Donc, Oui, c'est compliqué. ça reste quand même une bonne impression et c'est toujours mieux quand même de mettre les mains dessus justement pour se faire une idée plutôt que de regarder une vidéo. Donc très Ah bien, ben ça moi, c'est. alors oui, surtout pour un jeu en VR, parce qu'on Ouais, sait ce que voilà. ça vaut, les vidéos flat. Ouais. Ben, de toute façon, oui, moi je t'ai dit, les vidéos de départ m'ont. Enfin, j'ai été hypé parce que c'est Iron Man, c'est Marvel. J'ai été moins hypé quand j'ai vu du gameplay en flat et je suis super hypé depuis que j'ai essayé la démo. Ok, bon bah c'est plutôt positif Un quoi, homme c'est cool. heureux, voilà. Très Non bien. mais franchement, et d'ailleurs c'est ce que je voulais dire, du coup je pense qu'il n'y a que ça aussi sur le stand parce qu'ils misent beaucoup, ils misent énormément sur ce jeu. Oui, Ok. c'est probable. Alors, c'est étonnant sans l'être. Ça peut être étonnant. Enfin, c'est ce que je pense, hein. Ça peut être étonnant parce qu'on peut le prendre comme si c'était qu'il y avait qu'il y a que ce jeu en attente qui est de l'importance pour la VR sur PlayStation VR. Et je pense plus pour l'autre côté, c'est-à-dire que tout simplement, les années passées, il y avait de multiples box avec de multiples jeux. Tu faisais une queue interminable et au final tu te retrouvais à essayer un jeu pour lequel tu ne voulais pas passer quoi. Donc au moins là tu es sûr de tu postules pour Iron Man VR, tu es sûr de passer sur Iron Man VR. Je trouve ça bien. Alors, dans ces cas-là, effectivement, je te rejoins sur le fait que l'année dernière, il y avait énormément de jeux à tester. Enfin, je crois qu'il y en avait 8, 7 ou 8, dont Blood and Trust, pardon, qui a été. Enfin, moi qui étais sorti du stand quand j'y suis allé. Alors, je crois que vous avez pu l'essayer, mais moi non. Il l'avait enlevé Oui, à cause des lumières, parce que les contrôleurs fonctionnaient pas bien, Ah donc ben c'était une ils ont catastrophe. dit. Du coup, ça m'a pas du tout hypé du tout sur ce jeu-là, tu vois, cette expérience Ouais, t'avais gâchée une sale par les expérience, ouais. contrôleurs, quoi. Et ouais, vraiment sale expérience. Ouais, bah après j'ai eu le même problème cette année sur Iron Man VR. Hein. Je vous le dis. Hein. En fait, il te demande au début du jeu, t'as un espèce de cercle jaune au sol, en fait, qui te demande de te centrer au niveau de ce cercle. Et si tu fais ça, ma main droite, elle était irreconnaissable. Et je crois que ma main droite, c'est le move le plus clair des deux. Et Ouais, en très fait, bizarre. une fois que j'avais réussi à lancer le menu, bah, j'avançais bien d'un pas, un bon pas, et en fait j'étais, je sais pas, 3-4 mètres de la caméra, et là ça me captait beaucoup mieux. Non mais c'est Mais énorme, 3-4 mètres. Quoi? Ah, mais t'es hyper loin. Hein. Enfin, si Ouais. tu suis Ah, c'est le peut-être pour ça tuto, que. enfin, quand tu lèves le casque, t'es vachement loin de la télé, hein, je trouve. Bon, après, c'est les réglages qui imposent ça. Je pense que c'est aussi pour pas casser le matériel si les gens connaissent Oui, pas trop ouais. la VR et tout. Parce que bon, on a tous vu les vidéos fail sur YouTube, on voit que des fois ça peut être dangereux. Donc, je pense que c'est aussi pour préserver un peu le matos qu'ils font ça. Et je sais plus du tout ce que je voulais dire. Mais donc c'était bien, mais je pense déjà t'as bien fait le tour. De toute façon, après, va y avoir le test quand il sortira. On pourra justement tous mettre la main dessus et puis dire exactement ce que ce Iron Man vaut finalement, quoi. Mais en tout cas, avoir des bonnes impressions comme ça de quelqu'un qui a mis les doigts dessus, c'est plutôt positif, quoi. J'ai Plutôt. retrouvé ce que je voulais dire, si je peux me permettre. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. Je voulais rebondir sur ce que disait Cyril. Alors oui, je suis entièrement d'accord avec toi sur le fait que je me suis retrouvé à essayer des jeux que je voulais pas faire, notamment Squishies l'année dernière, qui pour Le moi, squishy. pff, J'avais bien enfin, aimé. voilà. Par contre, tu Ah vois, ouais, j'avais ben, bien aimé, ouais. bah, franchement. Alors moi, alors là, tu vois, par contre, j'étais hyper mal installé. Fin, je descendais trop bas, le movie captait pas et tout. J'ai pas aimé ce jeu. Et puis de toute façon, je trouve qu'il y en a un peu trop de ce genre de jeu. Aujourd'hui, Il donc est c'est trop pour ça. mignon. Ouais, et puis c'est un puzzle game. Enfin, t'as deux espèces de poissons dans la main. Tu devais souffler pour faire avancer une balle. Ouais, C'est enfin mais bon. toi, Majo, t'es un super-héros, tu veux du combat, C'est ça. tu veux de la C'est gloire. ça. Depuis ma plus tendre enfance, aussi. Non, mais après, voilà, moi je pense que le jeu est déjà c'était une démo technique, on va dire. Et puis, un salon, ça reste pas le meilleur endroit pour avoir la meilleure expérience sur un jeu. Comme il y a du Non, ça c'est bruit, il y sûr. a énormément de pollution visuelle qui perturbe nos fameuses LED de PlayStation Move et de la caméra. Donc voilà, c'est un avant-goût de ce que sera le jeu et on peut pas dire que ce sera optimal puisque justement l'environnement ne l'est pas. Donc. Ah, et donc ce que je voulais dire aussi par rapport à ce que tu disais sur le stand, ils nous ont dit aussi que cette année c'était maigre. Parce que l'année prochaine, apparemment, ça va être lourd. C'est bon ça. Ouais, mais lourd, alors attends, parce que là tu nous mets l'eau à la bouche. Lourd sur le stand de PlayStation, c'est-à-dire PS5, ou y compris niveau VR, c'est ça qui nous importe. Vas-y, balance. J'ai pas d'infos officielles. Après, c'est un peu un secret de Polichinelle. On sait tous que la PS5 elle sort fin d'année 2020. Enfin, ça a été annoncé officiellement par Oui, Sony. oui. Donc fin d'année, ça veut dire quoi? Ça veut dire fin novembre, début décembre, histoire d'être prêt pour les fêtes de fin d'année. Et la PGW, c'est fin octobre, donc c'est grosso modo un mois avant la sortie de la console. Donc autant te dire qu'à mon avis, il va y avoir du line-up à gogo. Ça va envoyer. Et je pense pas qu'ils viennent. Enfin, je ne pense pas, et je n'espère pas non plus qu'ils viennent les mains vides au niveau des jeux Niveau VR. vert, ouais. Ouais. Mais quand Donc. là, si on fait vraiment l'enquête, là, je mets mon chapeau d'enquêteur. Quand ils t'ont dit c'est maigre cette année sur le stand, c'était sur le stand PlayStation VR ou le stand global? Non, c'est le stand Sony aussi. Voilà, d'accord, ok. Non, c'est aussi le stand Sony. Non, je te dis, bon, après il y avait des gros jeux quand même. Il y avait aussi FF7 Remake qu'on a essayé. Il y avait donc Iron Man. Alors il y avait un stand, il y avait un cinéma Death Stranding. Ça a Ouais, été d'accord. ouais, bah c'est à l'image des Cyberpunk et D'accord, ils ont envoyé du trailer, quoi. ouais, c'est ça. Et t'avais la même chose pour Watch Dogs Legion aussi, D'accord. un cinéma encore. Donc c'est un peu l'année du ciné cette année. Bon, ça fait cher la vidéo YouTube quand Ouais, quand même, même. Et ouais. non, mais c'était en exclu un nouveau jeu sur les stands Sony. T'avais Nioh 2, Ouais. donc Predator. Qu'est-ce que j'ai dit d'autre? FF7 Remake. Et je crois que c'est tout. Effectivement, ça fait Et pas Iron baiser Man. quand même, hein. Non, mais c'était. De toute façon, il nous l'a dit. Ça, il nous l'a dit. C'est la dernière année pour la PS4. L'année prochaine, je pense que des jeux PS4, tu vas en avoir au fin fond du stand. Tu vas avoir une borne avec le jeu qui va sortir et c'est tout, quoi. Et ça va être la PS5 à gogo l'année prochaine, c'est sûr. C'est sûr. Est-ce qu'il y aura de la VR? J'espère. Enfin, vu comment c'est calme en ce moment, je me dis qu'ils peuvent pas avoir arrêté de bosser du jour au lendemain, les devs. Ils doivent forcément travailler sur quelque chose. Ok, donc du coup, bah, on a à peu près fait le tour pour cette PGW. le petit tour. En tout cas, tu as d'autres choses notables un petit peu à... Alors en VR, j'ai essayé beaucoup de jeux en VR. Après, j'ai essayé un très très bon jeu. C'est des expériences qui se développent assez dans les centres-villes. Moi, j'habite à... ouais, moi, j'habite à proximité de Bordeaux, donc on en a quelques-uns. Et ça s'appelait... Donc c'est le jeu Afterash, je crois que c'est un jeu sur PC VR. Et en fait, ils l'ont fait, donc c'était le stand Eva Stadium, je crois. Ouais. Et ils ont fait une arène donc, de 500 mètres carrés. Ouais, avec tout un tas de marquages au sol en fait, donc c'était même l'arène, c'était un truc professionnel, c'était pas quelque chose de bricolé. Et en fait donc ce jeu Afterash, c'est un jeu de team deathmatch pardon, à l'image de Firewall, et donc deux équipes de 4 qui s'affrontent, et là en fait ils ont reproduit ça mais dans cette arène de 500 mètres carrés, donc c'est-à-dire que tu as un point central, un espèce de cercle dans lequel tu dois aller pour capturer le point. Donc c'est une domination en l'occurrence par équipe. Et sauf que tu te déplaces réellement sur ces 500 mètres carrés sans fil. Voilà. Et c'est juste incroyable. Au niveau de l'immersion, ça n'a rien à voir. Ah mais c'est magique. Franchement, tu te roules pas par terre parce que tu as des PC sac à dos. Ouais. Donc je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont t'engueuler si tu fais ça, mais c'est incroyable, franchement, c'est formidable. Je veux dire, t'es dans un autre monde, quoi. Tu te déplaces pour de vrai, tu marches. Alors au début, c'est un peu perturbant parce que donc du coup, t'as pas de motion sickness forcément, mais t'as quand même un petit décalage entre le moment où t'avances et je dirais le ressenti que tu as dans le casque. Mais l'immersion, elle est totale. Je veux dire, enfin, tu peux pas faire mieux aujourd'hui. C'est ce vers quoi tend, je pense, la réalité virtuelle, notamment avec des casques autonomes comme le Quest. Justement, c'est ce qui est recherché, quoi. Alors là, il y avait du lourd quand même. Enfin, sur le dos, on avait des gros trucs. Alors les casques, je serais incapable de te dire ce que c'est parce que il y en a aucun qui m'a. Enfin, des personnes à qui j'ai demandé. Alors, j'ai certainement pas dû demander aux bonnes personnes. Il y en a aucun qui était capable de me dire ce que c'était. Mais par contre, l'image était bonne. La qualité graphique aussi, enfin, y avait pas... après j'avais pas trop le temps de regarder s'il y avait de l'aliasing ou pas. Mais c'était vraiment aujourd'hui, alors on parlait de faire la queue tout à l'heure, que ça pouvait durer longtemps, etc. Alors on a attendu quasiment 3h30 pour pouvoir jouer 10 minutes. Il faut quand même le savoir. Ah ouais, en étant arrivé à 8h30 le matin, donc je te laisse imaginer les mecs qui ont commencé à faire la queue à 14h. Ouais, ouais. Ça a dû être encore plus long pour eux, je pense. Mais honnêtement, ni moi ni mes collègues avec qui j'étais, puisqu'on l'a fait à 4, du coup, on se connaissait, n'ont regretté leur attente. Ouais. Ouais. Non, franchement, c'était cool. C'était vraiment génial. Ok. Bon, tant mieux. Voilà. Eh bien. Donc, et après, pour la VR, après, à part ça, pas grand-chose. Bon, bah, c'était déjà pas mal. En tout cas, t'as pu un petit peu nous faire ressentir ce que tu as vécu là-bas, c'est plutôt cool. J'espère. Voilà. Bon, allez, on va passer à la suite, on va te laisser respirer un petit peu. Merci. Ouais, bois un coup. J'ai soif. Coup j'ai soif. Bois un coup. Et on va passer par quelqu'un qui aime bien boire aussi, Cyril. C'est toi qui dis ça. Et oui. Ouais, ah oui, c'est mon émission, je sais ce que je veux. Je suis pas vieux, mais t'as déjà une réputation, ça y est, apparemment. Ouais, c'est bon, ouais. c'est bon, cramé depuis deux émissions là. Alors, Cyril, tu voulais nous parler un petit peu d'Audica que tu as pu tester. Ouais, alors Audica, c'est un jeu de un shooter, un jeu de rythme shooter, on va dire, quoi, qui est déjà sorti sur PC et qui a eu la richissime idée de venir atterrir sur nos plates-bandes du PSVR. Donc avec une sortie comme d'habitude décalée entre les States et nous autres Européens, donc il y a 2-3 jours d'écart. Ce qui pose des soucis parce qu'à chaque fois on se creuse la tête sur le site pour aller rechercher les infos, les bonnes infos, et on fait confiance au site officiel, à savoir PlayStation Blog. Il faut pas. Il faut pas parce que souvent sur les drops des jeux sont annoncés et ils ne sortent pas. Et au final, il n'y a pas de précision. Donc bon voilà, on était content d'annoncer qu'Audica sortait. Et puis oui, effectivement, il est bien sorti aux États-Unis et pas en Europe. Il est en décalé 2-3 jours après. Quoi. Voilà, donc on s'y est collé avec Sébastien, qui a fait le test. Donc moi j'ai fait la vidéo parce qu'il avait des soucis techniques, il ne pouvait faire la capture du jeu. Alors écoute, ça, voilà, c'est un complément de Beat Saber là, qui est la référence du marché. Sauf que là, bon, c'est un peu différent, on va dire. C'est pas le concurrent direct, c'est un palliatif. On a deux pistolets, donc un revolver dans chaque move. Le jeu se joue bien entendu avec les moves. Et ces revolvers sont équipés d'une lame qui pourront faire office de saillant le cas échéant. Donc toujours pareil, des musiques vraiment rythmées, électriques, tout ça, électro, qui sont vraiment bien pêchues. Il y a des noms connus, tout ça. J'ai trouvé vraiment cet apport par rapport à Beat Saber. Supérieur à Beat Saber de ce point de vue là et puis après ben voilà, on a toujours un enchaînement de cercles, de ronds, d'ovales, de losanges à activer. Voilà, on bouge beaucoup moins que dans Beat Saber. Sébastien n'a pu y jouer même assis donc c'est pour dire. Ah ouais, d'accord. Donc là, pas besoin de se mettre en mode commando. Non, là il va vraiment falloir preuve. C'est dommage. Mais c'est complémentaire dans le sens où voilà, il va falloir que tu fasses preuve de dextérité, bien suivre les enchaînements par rapport au beat, parce que sinon tu prends l'eau et je peux t'assurer que je suis vraiment pas doué pour ces jeux là et je me suis mis en mode avancé justement parce que Sébastien me disait de le faire, le salaud, je me permets, je pense qu'il savait que j'allais me faire défoncer et il m'a pas loupé d'ailleurs sur la vidéo. Ouais, j'ai pris l'eau, je comprenais rien, j'ai vraiment des gros problèmes psychomoteurs, ma main droite, ma main gauche, elle est où, enfin bon voilà. Mais voilà, je préfère honnêtement Beat Saber. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a du bon dans ce jeu. Alors bon, c'est moins riche, je trouve, en décor, c'est moins vivant, voilà. C'est pas moins riche, c'est moins vivant que sur Beat Saber, parce que les décors sont animés dans Beat Saber, quand tu as ces colonnes qui viennent vers toi, ou il y a de la profondeur, alors que là, il n'y en a pas. C'est comme tout ce genre de jeu, c'est répétitif, mais... Bah, c'est vrai que sur le trailer, pardon, ça a l'air un peu plus fade que Beat Saber, moins ambiancé quand même, je trouve aussi. Je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Alors, au niveau... Je trouvais déjà suffisamment fade Beat Saber, tu trouvais, ouais. Alors au niveau sonore, par contre, je suis dit musique bien supérieure à Beat Saber pour moi. Mais par contre, oui, ça t'arrive dessus, ces formes géométriques, mais t'as pas cette échelle de cette profondeur qui t'arrive comme dans Beat Saber, c'est beaucoup moins animé. Bon, c'est un choix qu'ils ont fait, ça, il leur est propre, mais c'est un peu dommage. Je pense que c'est aussi, c'est aussi pour pas s'entendre dire que c'est un pompé de Beat Saber pur et dur. Ouais, c'est bien possible. Il fallait aussi qu'il se démarque un peu. Sans doute. Donc bon, bah, écoute, tu bouges pas trop. Il est un peu flou quand même comme jeu, et surtout il y a pas mal d'aliasing, surtout sur les parties écrites. Il est traduit en français par contre, donc il n'y a aucun problème pour ça, comprendre. C'est bien, ça. Ouais, c'est vraiment bien parce que tu as des bons tutos qui t'expliquent bien comment procéder. Ils sont subdivisés en deux parties, donc tu as tuto général de base et le tuto pour les bons que je suis, pour les mecs avancés, tu vois. et du coup, tout est expliqué avant que la cinématique se lance, que tu fasses ton cas concret. Et tout est en français, donc tu comprends tout. Si je fais le parallèle avec des jeux comme Survios, où tout est en anglais, où tu comprends pas forcément, là au moins c'est très explicite et c'est facile, quoi. Voilà. Mais voilà, c'est un jeu de rythme sympathique. Ouais. Un cher par contre, 30€ sur le store. Ça fait cher. Ah oui. Ouais. Un lancement. C'est le prix consacré, j'ai l'impression. C'est un peu le prix consacré de tous les jeux de rythme, en tout cas dans ce style. Ouais, parce que j'allais dire Beat Saber, je crois que c'était pareil. C'était 40 balles, je crois, 40 balles de Beat Saber. Mais Beat Saber, c'était le premier, quoi, de cette dimension, parce qu'il y avait eu 2-3 petits jeux qui étaient sortis avant. Mais là, c'est 30 balles. T'as une trentaine de morceaux d'origine. Il y a 4 morceaux qui sont spécifiques, exclusifs aux joueurs PlayStation VR. Et puis après, vas-y. Si je peux te couper, c'est déjà beaucoup plus de morceaux que Beat Saber. Je crois que c'est le double. Beat Saber, quand il est sorti, il y en avait une vingtaine. Oui. Bon, on va dire, avec les exclus, t'as une quarantaine de titres. Je suis vraiment large. Et puis après, tu vas avoir toute la panoplie des DLC payants qui suivent, qui sont des, ouais. Dont une partie qui est déjà là. C'est pas. Si, si, t'en as déjà à la sortie qui sont arrivés. Ah merde. Ouais, ouais. C'est un peu abusé, ça. Je voulais faire l'avocat du diable, mais non, c'est pas possible. Et donc, les titres, donc je peux aller vérifier sur le PlayStation Store, mais je sais que les titres sur PC, par contre, c'est de l'ordre d'un euro, 1,50 $ la chanson. Ça revient cher, quoi, tu vois, pour 2 minutes de jeu, ça fait un peu cher. Quoi. Bah, après, il faut payer les droits d'auteur. Les décors qui sont en plus un petit peu toujours les mêmes, quoi, donc ça demande parce au niveau des développeurs beaucoup de boulot, j'ai l'impression. Pour l'instant, en gros, t'as 5 niveaux, donc t'as 5 mondes, débloquer. Donc, c'est ce que je te dis, je pense que le prix des chansons, c'est surtout dû aux droits d'auteur, parce qu'elles sont faites par quelqu'un. Oui, sans doute, mais bon, on sait tous que ça coûte énormément d'argent. Voilà, et nous, comme on aime la musique, et bien, là, je fais un petit clin d'œil à Sébastien, je fais mon hashtag vachalet, quoi. Ah ça y est, t'as raqué. Donc 30 balles, bon, parce qu'on n'a pas eu le code, hein, on l'a acheté. 30 balles, bon, écoute, voilà, faut aimer le genre et tout, il y a pas de souci. C'est vraiment des bons morceaux, des bonnes musiques. Donc bon, ok, t'en as pour ton argent, mais c'est il va falloir qu'ils fassent. J'espère qu'ils le feront. Hein, ils ont pas dit qu'ils le feraient pas. Qu'ils fassent un peu de gratuité par-ci par-là, qu'ils amènent un peu de variété dans les décors, parce que c'est un peu monotone. Ouais, c'est un peu dommage, pour ce genre de jeu. Voilà. Bah, Beat Saber, ils font aussi des DLC payants, hein. Oui, tout à fait. Ouais. Non, mais ça vaut pour Beat Saber, console, ce que je cas, dis, c'est... En gros, ils ont vu qu'il y avait une formule qui marchait, ils l'exploitent, et puis voilà, quoi. Mais bon, il y a de la concurrence maintenant, donc tu peux plus arriver comme Beat Saber l'ont fait, quoi. Voilà. Oh oui, il y en a. Il y en a, justement, la transition est toute faite là, parce que moi je vais vous parler de Pistol Whip. Alors là, que celui-là, tu veux plus tester, et attention là, c'est du gros. En tout cas, moi je trouve, c'est un jeu qui est développé et qui est édité par Cloudhead Games, qui est un studio de Montréal, et donc qui sort le 7 novembre. Ben, aujourd'hui là, on enregistre, donc bon, le podcast va arriver 2 jours plus tard, mais il sera donc sorti. C'est comment on peut dire, John Wick sous LSD à peu près. Ouais. En gros. Ben, je l'aurais appelé Pistol Whip, ce jeu, en fait. Quasiment. quasiment. Voilà, en fait, c'est de la chorégraphie de tuerie avec du gros son encore électro, rétro wave, comme c'est la mode en ce moment, à fond. Un truc qui pulse bien, qui bounce bien et ça fonctionne du feu de Dieu. Ouais, quoi. J'ai passé. Là, ta vidéo, elle un est géniale. De temps dessus déjà. Bien. Et qui est sorti aujourd'hui, ouais. Et ouais. Merci. mais franchement, ouais, tu prends un pied immédiat avec ce jeu. Donc en fait, t'as un flingue donc, que tu utilises avec un de tes contrôleurs. T'as des ennemis qui t'arrivent devant, sur les côtés, etc. Et tout en fait est calibré sur le rythme de la musique et sur les petits contretemps, les petites notes comme ça que t'entends au fur et à mesure. Niveau graphisme, ça ressemble pas mal à. Ça ressemble un petit peu à Super Hot, c'est très épuré. Les décors sont plutôt sympas, sont toujours un petit peu différents selon les niveaux. T'as 10 niveaux et 10 morceaux à la sortie du jeu. Il y en a déjà qui sont prévus pour très bientôt en DLC gratuit. C'est cool ça. Et tu t'y crois, quoi. Tu t'y crois direct en fait. Toi, toutes les scènes que t'as bien aimées, justement, on en parle encore dans John Wick. Où c'est chorégraphié, tu vois, c'est stylisé, oui. T'es à fond dedans, ça, tu sens que le mec il est immortel, quoi. Et bah là en fait t'es dedans en fait, donc t'as les ennemis qui te tirent dessus, t'as la balle en fait, faut pas que ça touche ta tête. C'est-à-dire que le jeu avance tout seul, les ennemis tirent, si tu ne bouges pas ta tête, tu te la prends en pleine face. Et donc du coup va falloir bouger, va falloir se baisser, va falloir éviter des obstacles, va falloir tirer en même temps. Il y a une grosse aide à la visée, on sent bien que le jeu c'est pas un jeu qui est fait pour les pros du tir, tu vois, faut pas une grosse précision, un minimum de précision bien sûr, mais c'est surtout en fait voilà, de rentrer dans une espèce de chorégraphie que tu crées toi-même au fur et à mesure que tu avances dans le jeu, et c'est ultra fun et ça marche trop bien. Et franchement, ça va être c'est une petite pépite, je pense. Quand il va avoir un petit peu plus de contenu, il y a plein d'options de partout pour tu peux choisir ton flingue en fait. T'as juste un flingue en fait de la main, t'as pas de flingue. Ouais. Contrairement à un jeu comme Rush of Blood, tu peux choisir donc gaucher ou droitier, ça n'a aucun problème. Et tu as 6 flingues différents, tu peux les customiser, changer la couleur et tout. Bon, c'est un peu gadget, mais ça a le mérite d'être là. T'as plein d'options aussi que tu peux. Donc, c'est un jeu à scoring. Hein. Mm-hmm. Mais t'as plein d'options en fait pour configurer un petit peu ton gameplay, soit virer les game over ou alors ou rajouter de la difficulté, mettre un mode hardcore, même si t'as 3 niveaux de difficulté de base. C'est pété d'options, tu peux vraiment faire le jeu à ta façon, à ta sauce. Et ouais, c'est génial quoi. C'est vraiment trop bien. Non, mais ça a l'air, tu vois. Celui-là, par contre, même en le regardant en flat, il me donne vraiment envie. Ça a l'air vraiment hyper dynamique. C'est dynamique parce que ça reste un rail shooter un peu quand même. Hein, c'est complètement ouais, c'est un rail shooter. Hein, mais c'est un rail shooter qui emprunte comment dire, des principes, des mécaniques de jeu pardon, un peu chez tout le monde. Tu vois, tu parlais d'obstacles tout à l'heure, je crois que dans ta vidéo on le voit, il faut esquiver un mur à un moment. Ça me fait typiquement penser aux blocs qui arrivent sur toi dans Beat Saber, c'est où tu dois te décaler sur la gauche. Complètement. Comme tu dis, le design des persos, le fait que ça soit une ambiance un peu rouge-noir fait penser à Super Hot. Mm. Qu'est-ce qu'il y avait? Et l'aspect rail, moi, me fait penser à Blood and Trust. Ouais, voilà, bah, ça prend en fait plein de bons principes qui fonctionnent sur d'autres jeux. Ils ont, et voilà, les développeurs, ils s'en cachent pas, ils ont pris plein de choses à droite à gauche qui fonctionnent, ils l'ont mélangé. Et ça marche encore mieux quoi. Mais c'est alors là, bon là pour l'instant il est sorti que sur PC, il doit arriver normalement d'ici la fin de l'année sur PlayStation VR. Mais justement tu disais que tu avais qu'une arme. Donc tu joues bien qu'avec un seul contrôleur VR. Tout à fait. Juste avec un seul flingue. Alors après moi au départ quand j'ai testé le jeu, j'avais les deux contrôleurs, j'ai pas capté tout de suite en fait qu'il y avait qu'un seul flingue. Du coup en fait j'essayais et à chaque fois que je levais un des contrôleurs devant mes yeux, je voyais que le flingue apparaissait. D'accord. Donc, je me suis dit en fait c'est très bien ça, du coup c'est ambidextre en fait, tu peux même pendant le jeu changer de main si. Mais si, du coup si ça laisse la porte ouverte à une amélioration où tu peux avoir deux armes, c'est possible? Oui, je pense, mais je verrais même pas trop l'intérêt en fait. Quand ouais, tu ce vois que un j'allais petit dire, peu est-ce que ça va pas nuire à l'expérience de jeu? Parce que c'est quand même le but, c'est quand même d'être en rythme quand tu tues tes ennemis. Fin, c'est ça. Et sur toutes les vidéos, tu les vois, les mecs ils mettent une balle, une balle, une balle, et ça fait, ça fait une sonorité en rythme et tout. Je pense que si t'en mets deux, ça risque de faire un peu trop de. De carnage quoi. Peut-être de bruit, ouais, voilà, c'est ça. Ça va être un peu le bazar quoi. Est-ce que je dis dans la présentation du jeu aussi, c'est que plus t'y joues, plus tu prends du plaisir à jouer. Parce que là, tu commences au fur et à mesure à comprendre un petit peu les mécaniques de gameplay. Ouais. Et à te dire qu'en fait, c'est autant un jeu de tir qu'un jeu de danse et qu'un jeu de rythme. En fait, ça combine ces trois trucs là. Je peux te dire déjà que tu bouges. Franchement, j'ai senti ma douleur quand j'y joue. Je sens que je fais pas assez de sport, clairement. Tu bois trop. je bois trop, je fais pas assez de sport, je fume trop, je suis qu'une merde, je sais. Tous les vices, il a tous les vices. mais voilà, et donc du coup, tu sais, je me suis surpris à un moment et j'ai pris un pied monstrueux, tu sais, à tirer sur les ennemis dans le rythme de la du morceau. Ouais, ouais. Ouais, t'étais transporté, quoi. Ah, complètement. Je sais pas si vous avez vu Baby Driver, le film de Edgar Wright. À la fin, en fait, les scènes de fusillade, en fait, elles sont calées sur la musique, sur la rythmique de la musique. Toi, ouais. Par exemple, un coup de mitrailleuse, ça fait tra ta ta ta. En même temps que la musique, en même temps que les coups de caisse claire. Mais là, c'est exactement pareil. À un moment, en fait, t'as des ennemis, en fait, et tu les vois arriver. Tu commences à comprendre un petit peu leur pattern, de savoir quand est-ce qu'ils vont s'arrêter pour tirer dessus. Tu prends plaisir à attendre et fais ta ta ta ta. T'as juste dans le rythme. Tu deviens sadique en fait. Ou musicien, c'est peut-être la même chose, je sais pas. Mais voilà, plus t'apprends le gameplay, plus t'apprécies. Alors par contre, après, il est hardcore. Hein. C'est-à-dire qu'au départ, voilà, faut prendre l'habitude. J'ai essayé un petit peu le mode des difficultés plus élevées. J'ai pas tenu 30 secondes quoi. Oui, mais comme tu dis, c'est un jeu de scoring donc. Ouais. Moi j'avais une question pour toi, Saï. Est-ce que on voit des petits points rouges au bout d'un moment qui t'arrivent en permanence dessus? Alors je pense que c'est pour donner l'axe de tir de tes ennemis. Oui. Tu peux l'enlever ça ou pas? C'est désactivable ou pas? Ça, j'ai pas encore suffisamment bidouillé les options. Ça, je ferai ça quand je serai sur le test que je vais pas tarder à commencer. Où justement, je rentrerai un peu plus dans les détails de toutes les options. Mais c'est le genre de petit signal que tu as à l'écran en fait qui t'aide beaucoup dans ta progression. Parce qu'en version flat, moi je trouvais ça très gênant en fait. Alors après, j'ai pas joué au jeu, mais sur la version flat, je vois que ça en fait. Je me focalise sur ça. Mais je comprends justement, et comme on disait tout à l'heure, en fait, un jeu que tu regardes, que tu joues en VR et que tu regardes sur un écran, ça a absolument rien à voir. Ces petits trucs-là, en fait, c'est des choses quasiment que tu vois du coin de l'œil et qui t'aident directement à savoir d'où vient le danger. Quand, en tout cas, il n'est pas en face de toi. Et ça, c'est une aide qui est vraiment importante, en tout cas, quand tu débutes dans le jeu. Je pense que tu dois pouvoir les enlever parce que de toute façon le jeu est tellement paramétrable à façon que il n'y a pas de raison que tu puisses pas. Mais c'est vrai, tu vois, j'ai pas senti aucune gêne à ce niveau-là. Au contraire, tu vois, ça te permet justement d'être un peu plus attentif, quoi. Des fois, t'es tellement dedans que tu regardes pas trop ce qu'il y a sur les côtés. Et, ouais. C'est drame. même John Wick a un point faible. C'est ça. J'ai pas les cheveux encore assez longs. J'avais une deuxième question. Est-ce que tu peux switcher ton arme, mais en réel, c'est-à-dire changer de main? Tu changes ton move de main, est-ce que ton flingue il va changer de main? Je pense que oui, mais Oui, parce que de toute façon, je sais pas si t'as vu dans la vidéo, mais en fait, tu vois pas tes mains. Tu vois que ton arme. Donc finalement, même si t'as qu'un seul move et que tu veux changer de main, si tu veux, pour te la péter, il y a aucun problème, ça fonctionne, quoi. Il y a vraiment aucun problème. Mmh. Oui, comme tu dis, t'es ambidextre. Donc... Ouais. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, ouais, il y a des DLC, des morceaux qui vont arriver. Pour le moment, donc, il y a que 10 niveaux et 10 morceaux qui durent entre 3, 4 ou 5 minutes à peu près. Ce qui peut paraître très très long quand tu joues, parce que je te dis... C'est ce que j'allais dire, ça doit être long quand même. Ouais, c'est assez long. Mine de rien, et donc du coup quand tu termines ton premier niveau jusqu'au bout, en fait tu débloques une nouvelle chanson, mais qui n'existe pas encore dans le jeu, donc tu vois c'est vraiment un jeu, mais je pense que même quand tu sortiras sur PSVR, tu auras certainement plus de niveaux que là tu l'as le jour de sa sortie sur PC. Donc voilà, il y a aussi donc des DLC, des morceaux qui vont être payants, des niveaux payants, et c'est toi Cyril qui avait demandé aux développeurs s'ils pensaient pouvoir faire comme sur Beat Saber sur PC, c'est-à-dire faire permettre aux gens en fait de mettre leurs morceaux pour pouvoir créer leur niveau. Mmh. Le problème c'est que en fait justement c'est pas Beat Saber. Beat Saber en fait les niveaux peuvent se créer en fonction de la rythmique en fait du morceau. Ouais. C'est beaucoup plus complexe en fait sur Pistol Whip parce que c'est vraiment précalculé en fait. Les ennemis vont toujours arriver selon les modes de difficulté, en tout cas ils vont tout le temps arriver du même endroit, tirer de la même façon et tout, et puis c'est une espèce de routine en fait que tu dois apprendre et améliorer en fonction de l'avancée du morceau. Donc mais ils cherchent en tout cas une solution d'après ce qu'ils ont répondu, et dans l'avenir on n'est pas non plus à l'abri de pouvoir customiser encore plus son jeu, donc c'est pour ça que je pense que Pistol Whip va clairement tirer son épingle du jeu à ce niveau-là. Toi, tu l'as... Bon, moi, de ce que j'ai vu de ta vidéo, là, qui m'a totalement hypé, on va dire, toi, tu perçois que c'est vraiment un vent de fraîcheur sur le genre ? Ouais, pour avoir testé pas mal de jeux de danse sur... D'ailleurs, merci Cyril, parce que tous les jeux de danse, tu me les refiles. Je comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Il y a peut-être une raison, peut-être que t'es bon. Ouais, non, bah, vraiment pas. Non. Non, mais je groove comme un joueur d'échecs. Ah oui, effectivement. Et franchement, par rapport à tout ce que j'ai pu essayer, des Run the Rotirun, des jeux dont j'ai complètement oublié le nom, qui sont sortis sur PC aussi, mm-hmm. Celui-là, c'est il est tellement efficace, il est tellement bien calibré, en fait, en plus. Juste ce qu'il faut, comme l'aide à la visée, tu vois, comme je disais tout à l'heure, bah, c'est un truc qui t'apporte un plaisir instantané, en fait. Tu te sens bon tout de suite, tu galères, mais tu te sens bon. Et non, c'est quelque chose que j'ai pas vécu. Quoi. Ouais, c'est fun immédiatement, et c'est très rare finalement dans les jeux PSVR. Voilà. Donc, non. À mon avis, il va peut-être pas détrôner Beat Saber, parce que quand même, il a une fanbase qui est quand même assez énorme. Ouais. Mais il va s'en faire une, hein, clairement à lui. Hein, clairement. Et je pense qu'on va avoir un paquet de youtubeurs qui vont s'amuser à s'exercer dessus et voilà, à bien s'éclater, et c'est un jeu qui est calibré pour ça. Ah voilà, c'est ça. Donc voilà, Pistol Whip, c'est ouais, j'ai pas dit le prix. Ouais, j'ai pas dit le prix. Oui, c'est vrai d'ailleurs. 24,90, alors voilà, c'est à peu près toujours les mêmes tarots. Ah mais c'est le moins cher des jeux de rythme. Ouais, c'est aussi celui qui a le moins de niveaux, hein, au départ, c'est que 10 niveaux, même s'il y en a d'autres qui vont arriver par la suite. Gratuit. Ça peut paraître un petit peu sec. Ouais, gratuit. Ouais, parce que 10 niveaux de 5 minutes, ça fait quoi, 50 minutes de jeu pour faire le ouais, tour. Ouais, et 50 minutes très, très retors quand même. Où tu reviens en plus avec plaisir, parce que même quand t'as terminé ton niveau, t'as qu'une envie, c'est de le recommencer et puis péter ton score, quoi. Donc, que du tout bon. Après, bon, voilà, il y a toujours un public pour ce genre de jeu, donc de toute façon, ça la mode, ça marche bien. Donc. Mais là, oui, moi, de ce que je vois, c'est un bon équilibre. Alors, il y avait un peu le penchant de pas Beat Saber, mais Beat Blaster, qui là aussi avait des flingues, tu dois te déplacer, tout ça. Mais, ouais, mais alors. Voilà, et là, on est à milieu de tout ça. Et pour moi, je vois Pistol Whip comme un Opération Wolf. Des bornes d'arcade en version rythmique, quoi. J'en avais marre de tous ces cercles, ces losanges, ces colonnes qui viennent vers toi, ou ces jeux de où tu dois esquiver un petit peu, taper. Tu voulais quelque chose de plus testostéroné, quoi, Cyril. Ouais, vivifier, faire. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est ça. C'est tout à fait ça. Je veux. Ouais, un vent frais, quoi, tu vois, le vent de la vie de divinité qui emporte vers de nouveaux horizons le genre, quoi. Voilà. Vas-y, on voyage là, on voyage. Ah, mais ouais. C'est vrai qu'on a, on a vite fait le tour, et tu vois, tu parlais d'Odika, et c'est des jeux qui en fait essayent d'imiter un peu le concept de Beat Saber, mais sans forcément le renouveler. Et on est moins emballé par ce genre de jeu que par un autre jeu de rythme qui lui. C'est autre chose. Voilà, c'est ça. Et au final, on est plus intéressé par ça parce que c'est nouveau, quoi. Enfin, après, c'est aussi le but du jeu, c'est d'être surpris à chaque nouvelle expérience. C'est un peu ce qu'on demande. Ah bah oui. On peut pas toujours être surpris, mais bon, là, c'est vrai que quand ça marche, c'est bien. Et on c'est part, ça, et on veut pas être surpris. On a envie d'y jouer, prix, quoi. C'est ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Ou par le manque de contenu. Voilà, ouais. Et juste, je voulais juste rajouter un dernier petit truc sur Pistol Whip, mais je suis sûr que vous allez pas manquer l'occasion de vous foutre de ma gueule. C'est que en y jouant, en fait, j'ai remarqué que fallait vraiment être sûr de son centre de gravité, en fait. Comme tu avances au fur et à mesure, enfin automatiquement, et que tu dois bouger, esquiver, tirer, viser en même temps, je pense que pour ceux qui débutent dans la VR, au départ, ça risque de leur faire un petit peu bizarre. Pas au niveau du motion sickness, parce que je pense pas que ce soit ça le problème, mais vraiment au niveau de l'équilibre. Mm-hmm. Je suis assez d'accord. Donc voilà, c'est faut le savoir, faut pas faire essayer ça. Au néophyte. Ouais, au néophyte directement en tout cas. C'est un coup à casser ta télé, quoi. Ouais, carrément. Et puis oui, il faut de l'espace aussi autour de toi. Hein. Ça c'est clair et net. Hein. Ça je l'ai pas dit non plus, mais tu bouges, hein, vraiment beaucoup. Donc voilà, bon, c'était tout pour c'est la bonne, ce qui est dommage, la bonne gâche, quoi. Ouais. Ce qui est dommage avec le PSVR, du coup. Parce qu'il est quand même pas réputé pour nous laisser beaucoup de place pour bouger. Pas vraiment, et c'est pour ça que moi je suis très, très curieux de voir un petit peu ce que ça a donné sur PSVR, ça. Bon, ça on le saura quand il sortira. Ouais, c'est ça. Ouais, moi je bon espoir. Vivement. Vivement. D'ici là, de toute façon, j'aurais pété tous les scores, donc ça sera d'ailleurs même plus de game, quoi. Donc, mais ça sera pour nous le game, du coup. On sera là pour t'éclater tes scores. C'est ça. Est-ce que les scores sont cross-platform, du coup? Ça, j'en ai absolument aucune idée, sachant qu'il est sorti uniquement pour le moment sur PC. Ouais, ça. Sur PC. Il est régulièrement patché, vu qu'il est sorti aujourd'hui. En fait, j'ai eu déjà deux patchs depuis que je l'ai. Ils sont plus rapides que Hello Games. Donc ça me mal, ouais. mais ouais, ça je sais pas, ça, mais je te dis, hein, je rentrerai beaucoup plus dans les détails pendant le test. Pour le moment, je prends juste mon pied, j'en profite, et puis après, une fois que je l'aurai bien maîtrisé, je pourrai vous faire un petit truc aux petits oignons. Ouais, tiens, je fais une parenthèse, vu qu'on a parlé de Pistol Whip, qui est un jeu PC. Il y a de ça un an ou autre, on faisait déjà des previews de jeux, comment dire, PC qui allaient devenir PSVR. On réouvre un peu la formule, on l'agrandit. Maintenant, on fait vraiment une séquence consacrée aux jeux PC VR qui seront peut-être que sur PC VR et pas seulement une transposition qui viendra sur PS VR. Voilà, c'était à souligner que sur le site, il y aura de temps en temps des articles avec des tests de jeux PC VR. Sur la chaîne également, donc que nos auditeurs et nos lecteurs soient pas surpris. Voilà, c'est on évolue nous aussi comme Pistol Whip qui réactualise le genre. Quoi, voilà. C'est ça. D'ailleurs, une petite pastille PC dessus, vous pouvez pas la rater. Donc voilà. Donc voilà. Oui, mais d'ailleurs, elle était sur ta vidéo, ça y est. Oui. C'est ça. Ouais. C'est ça. Bon. Et ben on va passer à toi, Majo, avec Witching Tower. Witching Tower. Ouais, et pas The Witch, et pas The Witching Tower, comme je l'ai dit tout au long de mon test. comme un novice. Bon, c'était la première. Oui. On va mettre ça sur le compte. On te pardonne, t'inquiète. De ma première fois. Witching Tower, oui, alors. C'est. Je dirais, je crois, mon premier ou mon deuxième puzzle game. Donc. Ouais. Je suis pas un abonné du genre. C'est pas un énorme jeu, comme je l'ai dit. C'est pas le jeu de l'année, c'est pas le jeu du siècle non plus. Mais c'est un jeu qui se laisse faire. Et puis j'ai dit 4 à 5 heures de jeu de mémoire. Ouais. Je me suis pas ennuyé. J'ai un peu bloqué sur certaines énigmes, mais quand j'ai arrêté, j'avais quand même envie de le terminer, de rallumer mon casque pour le finir. Malgré tout. Donc c'est pour ça que je dis que c'est pas un mauvais jeu. Après, si on fait la moyenne, ça lui met 6,5 parce que, comme j'ai dit, au niveau de l'intelligence artificielle, mais j'ai dit que c'était très très moyen, mais je pense que je suis encore généreux parce que très honnêtement, enfin, on l'a vu pareil dans les phases de gameplay. Ouais, mais c'est quand même. C'est à l'ancienne, quoi. C'est plus un puzzle game qu'un jeu d'aventure, quoi. Ça serait plus un puzzle game si les énigmes étaient plus compliquées. Donc pour moi c'est un peu des deux. Si tu veux, je mise aussi sur le côté action aventure parce que t'as quand même une épée, t'as quand même un arc, donc c'est pas pour résoudre des énigmes. Si tu veux, ça reste pour battre des ennemis. Mmh. Et donc c'est pour ça que je te dis que pour moi c'est un peu du 50-50. D'accord. Mais bon, ça reste sympa. Je te dis, il est assez joli. T'as quand même envie de, enfin j'ai eu quand même envie de découvrir les environnements. Mmh. Et les phases de gameplay. En fait, chaque niveau est différent. C'est-à-dire que tu vas passer un premier niveau, tu vas utiliser le premier niveau, par exemple, tu vas apprendre à utiliser une torche pour brûler des racines. Tu vas apprendre à utiliser tes mains, comme je disais, pour enlever une brique, pour récupérer une bombe derrière et faire exploser un mur. Et quand tu vas passer au suivant, tu vas avoir ton arc. Le niveau suivant, c'est l'épée. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Tu as toujours un petit élément de gameplay qui fait que c'est pas redondant. D'accord. C'est pour ça que je dis que le gameplay par rapport à la durée de vie du jeu me paraît correct, si tu veux. Mais bon, je pense qu'au-delà de 5 heures, une bonne marge de progression, quoi. Ouais, voilà. Après, c'est au-delà de 5 heures, je pense que ça serait long. Mais bon, pour 20 balles, c'est pas déconnant. L'histoire est pas trop mal. C'est pas non plus. C'est pas mal. Hein. C'est l'équivalent d'un solo de Call of Duty, donc c'est bien. Oui. Ouais, c'est un peu plus rythmé quand même. les solos de Call of Duty sont quand même un peu plus rythmés. Mais non, c'était pas mal. J'ai passé quand même un agréable moment. Voilà. Je le referai pas, par contre. Non. Niveau rejouabilité, il y a rien du tout. Enfin, une fois que t'as fait les énigmes, quoi. Ouais, mais c'est c'est le jeu d'énigmes. Tu peux pas les refaire, quoi. Ouais. Une fois fait, t'as pas envie d'y retourner, quoi. Ouais, mais tu vois, tu pourrais avoir un jeu d'énigmes avec deux embranchements, si tu veux, où tu passes dans un couloir, il va se passer des trucs, tu passes dans un autre, il va se passer autre chose, tu vois. Enfin, tu pourrais avoir ce genre de truc. Je crois qu'il y avait c'était une expérience d'horreur qui faisait ça. Je me rappelle plus. C'est pas une expérience, c'est un jeu. Non, c'était Affected the Manor, non ? Ouais, c'est ça. Où t'arrivais dans un couloir, tu passes à gauche, mais il va se passer un truc. Tu passes à droite, il va se passer autre chose. Pourtant, c'est juste une expérience, tu veux. Mais t'as embranchements, quand même. Ouais. Voilà, t'as quand même une rejouabilité parce que t'as deux phases différentes où il va se passer des choses différentes. Et si t'as envie de connaître ce côté-là, c'est ça qui va te donner envie de rejouer. Donc là, tu n'as pas du tout ça. Et c'est pour ça que je n'y rejouerai pas. Quoi. D'accord. Ouais, c'est oui et non, parce que comme j'ai dit, à certains moments, t'es quand même obligé de revenir en arrière pour actionner des trucs que tu n'as pas pu actionner. Donc t'as un peu cet aspect je tourne en rond sur certaines maps, c'est pas juste un couloir. Mais oui, effectivement, si tu pars du point A pour aller au point G et tu te rates. J'ai pas choisi la bonne lettre, je viens de me rendre compte. et puis voilà, et après une fois que t'es arrivé donc au dernier point, le jeu il est fini, tu le ranges et puis basta quoi. Enfin, ou tu le désinstalles puisque ça se range plus, maintenant il n'y a plus de CD. Ouais. Mais voilà. Mais sinon, j'ai passé quand même un bon moment. Mais après, voilà, 20 euros pour 4 à 5 heures de jeu, si ça reste quand même plaisant à faire au moins une fois, ça peut être pas mal. Tu vois, on parle d'audi... On parle d'Audica, si tu prends le truc, pas d'Audica, de Pistol Whip, pardon, on disait 25 euros pour 50 minutes de jeu. Bah tu, en gros, je vais dire des bêtises, plus de fois Audica quoi. Pistol Whip. Bon, enfin bref, T'as l'air d'aimer j'ai pas été Audica en très, fait. j'ai pas du tout, en plus pas du tout, il me dit rien du tout ce jeu. Mais j'ai pas été clair, mais c'est pas grave, je me suis compris. Le principal. Voilà. Ok, très bien. Bon, ben, ouais. Ben, il a l'air quand même d'avoir une bonne petite ambiance, quand même, j'ai l'impression, ce jeu Ouais, aussi. non, et puis franchement, enfin, j'ai vraiment fait le touriste, quoi. Je regardais partout, en haut, à droite, à gauche. C'est vrai que c'est quand même agréable. C'est quand même agréable à regarder. Alors, j'aurais D'accord. été curieux de voir ce que ça donnait sur PC. Parce que Ouais. bon, les jeux sur PC sont quand même un peu plus beaux voire beaucoup que sur PS4. Ouais, c'est Mais clair. je le trouvais quand même déjà très joli. Donc, Witching Tower. Ok, bah très bien. Ok, bah on va passer aussi, bah maintenant, dernière rubrique, le top 50 des. On va parler des 50 jeux qui ont été. Non, peut-être pas quand même, hein, sinon on va faire 4 heures de podcast. Non, on va prendre. On va revenir vite fait sur le top 50 qui a été mis en place donc par Monsieur Lolo de Verfar Player. La conclusion du vote a eu lieu le 2 novembre. Il y a eu à peu près 4000 participants, donc on remercie tous chaleureusement d'avoir participé à ce vote unique en France. Et déjà, vous avez voté, vous? Ouais. Vous avez voté pourquoi? Je me rappelle plus, mais Ouais. Ouais. Job Simulator. non, non, non, non, non. Mais moi, j'ai voté pour les jeux auxquels j'ai joué, quoi, déjà. Ouais. Voilà. Est-ce qu'on bassette? Oui, bien sûr. Est-ce qu'on bassette? Il en fait partie. D'ailleurs, je suis content de son classement, hein, parce que ça reste une expérience qui est relativement bien classée, donc je suis content. C'est ça, il est 20e. Ouais, voilà. Il est 20e quand même pour combien? 20, 25 minutes, 30 minutes peut-être Ouais, une d'expérience. bonne demi-heure, voire plus suivant les niveaux de difficulté. Alors on va Ouais. compter une heure, quoi, une bonne heure, quoi. Ouais, mais une D'accord. heure, mais que du bonheur, quoi. Ouais. Donc, Putain, qu'aurait pu être quand même beaucoup plus long. Mais bon, on va pas revenir Bah, tu là-dessus. vois, c'est une expérience que j'avais essayée à la PGW l'an dernier et qui m'a beaucoup moins emballé Ah, que d'autres jeux que j'ai pu faire. mais oui, l'année dernière, l'expérience, déjà, l'année dernière, je lance à la PGW, hein. Bah, j'avais l'écran à l'intérieur du casque, c'était le mode écran plat, donc gros souci déjà Ouais, de base. Donc voilà, j'ai fait abstraction de c'était. ça, mais bon, on va pas redéblatérer sur le stand de la VR, mais comment te dire, c'est. Non, mais du coup, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais été curieux de le faire chez moi. Je l'ai pas fait parce que j'ai pas envie de mettre 60 euros Alors, dans il le est à jeu, moins cher mais. maintenant, il est à moins cher, tu le Ouais, tu le trouves. trouves à que dalle Ouais, maintenant. honnêtement. Beaucoup moins cher. Ouais. Moi, j'essaierai de le trouver d'occasion Et alors. pour une expérience de VR, c'est vraiment le top pour moi, hein, top niveau, quoi. C'est là, ça magnifie la VR puissance 100. Bon, Ouais, je suis peut-être pas carrément. objectif, mais bon. Non, mais c'est fait pour. De toute Non, façon, mais c'est fait pour ce genre d'expérience, hein, je la pense que VR. bien installé dans ton canapé ou dans ton fauteuil, ça doit être autre chose que debout Ouais, sur un ouais, déjà, salon. mais Donc, bon, de la démo qu'on avait vue, c'était vraiment infinitésimal, mais non, non, il y avait vraiment quelque chose à faire sur ce jeu-là, et c'est dommage. Mais je suis content parce que j'ai aimé l'expérience, et visiblement, je suis pas le seul, donc ça me fait plaisir. ouais, carrément. Pour la prochaine génération, les gars. Je vous le Oui, confirme. ouais, faut garder espoir hein, tout le temps. En 19e position, on a Robinson's Journey. Excellent. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui Mais se non, tu passe? vois. Bon, il est quand même Bah bien. Il est oui, quand il est même bien bien. là. Il aime pas, mais c'est une valeur sûre, Robinson. Mais il est. Disons que c'est un des premiers jeux qui est sorti sur le PSVR et un des premiers gros jeux qui est sorti sur PSVR en déplacement libre. Parce que c'était pas le cas. Enfin, c'était pas aussi commun que maintenant à l'époque. Ouais, c'est vrai. Et il était magnifique, quoi. Il était vraiment Fais très gaffe, très tu vas beau. te faire un ennemi là, Majo. Attention. Admettons, admettons. Bah, et J'entends, attends, j'entends. je l'ai refait. Et tu vois, je l'avais. J'ai acheté une PS4 Pro il y a un an, je crois. Et je l'ai refait tourner sur PS4 Pro et je le trouve encore plus beau. Ah bah oui. Oui, Oui, bah il est plus donc. beau, ouais. Donc il est vraiment, enfin pour un, c'est vraiment une démonstration de ce que peut faire la VR et non non, enfin moi je l'ai Bon, il trouvé n'y a que les agréable. imbéciles qui changent pas d'avis, je pense que j'essaierai quand même de le refaire. Faut Non que je parce que tu, comprenne, il faut que non je comprenne. Tu vas t'ennuyer et le refais pas. C'est un jeu de Ouais. début de génération, ça vieillit. Moi non plus, je Ouais. le referai pas, hein, je l'ai juste allumé pour voir la comparaison graphique, mais je le referai pas du début jusqu'à la fin, c'est trop long. Ouais. Ouais. Ok. Mais c'est un bon jeu quand même, émotionnellement parlant. Ok. 18e position, Tetris Effect. Bon bah celui-là aussi on en a quand même déjà bien parlé en émission. Ouais, bon, écoute. L'orgasme sensoriel de Camille, on s'en souvient. Ouais, on te fait des bisous d'ailleurs, Oka. Et puis voilà, ouais, c'est le genre de jeu de strat qui existe depuis la nuit des temps des jeux vidéo et qui arrive encore à en foutre plein la gueule, quoi. Et puis À se voilà, c'est un renouveler. sacré tour de force. Ouais. Ensuite, 17e position, VR World. PlayStation VR World. Émotionnellement, Il est encore là. c'est comme Robinson, c'est pareil. Ouais, parce que c'est un jeu de début de gen, c'est ça? Et que... Bah, Ouais. oui, c'est le jeu qui était vendu avec le casque, non? Ah non, il était, non, Il c'était était... payant à côté, pardon, oui, c'est vrai. Ouais. Il était en bundle, mais c'est arrivé après. Hein. Ben moi, c'est le premier jeu que j'ai essayé quand j'ai essayé le casque. Je l'ai essayé, je me rappelle, j'étais au milieu d'un Micromania. Et c'était. Je me rappelle même plus du nom. Ceux qui ont fait Blood and Trust. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est eux. London, Ouais, London London Studio. Studio, ouais. The London Heist, voilà, c'est ça. C'est le premier jeu que j'avais essayé. Et donc, pareil, magnifique. Enfin, je veux dire, la première fois que tu mets un casque, tu vois quelqu'un de physiquement en face de toi, c'est beau. Ouais, c'est sûr. Mais après, dans PlayStation VR World, il y a aussi le jeu de la luge. Ouais, mais Hein. Et ça, on l'oublie un petit peu trop souvent. mais c'est pour ça, je te dis, émotionnellement parlant, tu ne retiens que London Heist C'est vrai. Et et le requin, quand même, le la requin. partie sous-marine. Ça suffit. Ouais, c'est vrai. Ensuite, 16e position, on a Batman. C'est le jeu du cœur, je pense. C'est le cœur qui parle chez les gens. Bah, de toute façon, s'ils votent, hein, c'est le cœur. Bah oui, de toute Hein. façon, un vote, c'est toujours subjectif, c'est Ouais. sûr. Donc, 16e, Batman. Vous l'avez fait celui-là? Non. Ouais, j'ai fait, ouais. Oui, mais. Ouais, mais début de gen, toujours pareil. L'envie Début de gen, très court. d'endosser le costard de Le Batman. bas de costard. Voilà. Le bas de costard. Ouais, c'est pareil, je referai pas ça non plus, tu vois. C'est bon. Ouais. Ouais. Pas tout de suite. En tout cas, pas tant que la PS5 est pas sortie et que je m'en prenne vraiment plein la gueule avec un rehaussement graphique notable. En tout Ben, cas. celui qui est. Je crois pas. Enfin, je crois pas que ce soit dans les 20 premiers. Qui est très bien en tant que super-héros. Et voilà, bon, après, j'ai pas fait Batman. Mais c'est le Spider-Man Far From Home. Qui, pour une expérience gratuite, est quand même vachement bien, quoi. Je l'ai pas fait, celui-là, je t'avoue. C'est vrai? Non, je l'ai pas fait. Ah, Je ben dois là, le télécharger, je dois ah l'essayer, ben là, mais tu loupes quelque ouais, elle est chose. en En plus, progrès par ils ont rapport fait. à la première expérience qu'ils avaient sortie. Ah non, mais la première, par contre, c'est une catastrophe. Le Homecoming, c'est une Ah, horreur. c'est peut-être ça le problème, c'est que je suis resté sur ce premier truc. Ah ouais, ben oublie. Ben Ouais. pars du principe que tu es Spider-Man. Mais pour de vrai, c'est que tu peux tisser ta toile, te déplacer, tout ça, c'est D'accord. formidable. Manger des insectes. Ah, c'est bien. Non, pas... Ok. pas encore. Ça marche. PS5, pour la PS5, Ouais. ça. Ensuite, j'en suis où? 15e position, Arizona Sunshine. Une valeur sûre? Le surcoté. Je pense que ça reste une valeur sûre. Je sais que Spanx m'insulterait, mais j'assume, hein, franchement, Ouais, ce bah, jeu est surcoté. il y en a beaucoup. Bah, encore une fois, c'est des jeux de début de génération qui ont surpris, qui ont créé de l'émotion chez les gens qui y ont joué. Et c'est pour ça qu'ils sont là. Enfin, après, il est pas mauvais, il est juste techniquement un peu daté. Mais le jeu en Ouais, mais lui-même, c'est un shoot agréable. c'est un jeu Ouais, et puis qui est il y a soutenu. encore du contenu aussi. Voilà, il est Voilà. soutenu toujours. Ouais. Il y a une mise à jour qui est sortie, je crois, il y a un mois, Ouais, il y a pas un mois ou longtemps, deux. c'est Damned DLC. Ouais, c'est ça. Donc, Damned. Sébastien, on te fait un bisou aussi. Pour le Damned, tu il sais, va apprécier. c'est dédicace. Il le sait de toute façon. Bon, ensuite, 14e position, Doom VFR. Ah, celui-là, j'ai Celui-là. jamais joué, j'ai juste fait la démo Ah ben. à la PGW, mais c'était l'année dernière, je crois, déjà aussi. Je sais plus. Ouais. Oui, bon, j'avais pas accroché sur la démo, donc j'ai jamais joué. Ouais. Ben, Voilà. j'allais te dire, j'ai honte, je l'ai pas essayé. Ouais, non, non. D'accord. Bah, en gros, c'est un fast FPS qui fonctionne bien et qui se joue par contre à la Ah oui, non, manette. mais je connais le jeu. Bah, en fait, mais Mais je l'ai justement, en jamais fait, il essayé. se joue pas au move ni quoi que ce soit, il n'y a pas vraiment de motion gaming dedans, c'est toi et la manette et ça Non. Ah, tu fonctionne. peux. T'as les trois contrôleurs, hein. Non, tu. Non, Ouais, parce que j'allais dire, ils ont fait une mise à jour pour l'IM aussi. ouais. C'est vrai, ouais, c'est vrai, mais moi quand je l'avais fait, c'était uniquement manette et j'ai bien pris mon pied dessus. Et ça prouve surtout que bah, tu peux faire des FPS Nerveux. simples, classiques, avec un nerveux, avec, voilà, avec un gameplay efficace uniquement à la manette. C'est pas Voilà, alors qu'à la c'est pas à impossible. la PGW, je l'avais fait avec les moves, et c'était enfin pour moi, je trouvais ça nul quoi. Enfin nul, Je pense que ça m'avait tu pas devrais le emballé quoi. réessayer avec l'IM, je pense, Cyril. Ouais, sans doute, ouais, sans doute. Sûrement, Faut ouais. que je l'achète alors. Sûrement. Mais j'aime pas les trucs de zombies, tout ça là, moi ça me. Bah. Ça fait pas peur, Ouais. t'inquiète. Je suis un trouillard. D'ailleurs, petit aparté non VR, je te conseille le prochain Doom, Cyril, toi qui aimes les jeux un peu masculins. Ouais, mais Il si est ça fait juste. peur, non. Ah non, ça fait pas peur. Il est juste extrêmement jouissif. Comment dire, enfin, ça respire la transpi, quoi. Tu vois, ça sent le mec, mais le vrai, le baraqué, le musclé. Tu aimes les films Franchement, de c'est incroyable. gladiateurs? Ouais, c'est un peu plus viril que ça encore. Ah oui, carrément. Non, il est, c'est presque mon coup de cœur. S'il n'y avait pas Iron Man VR, ce serait presque mon coup de cœur de la PGW cette année. D'accord. D'accord. Voilà, petit aparté terminé. D'accord. Merci. De rien. Numéro. Est-ce que j'en suis moi? Numéro 13. Firewall, Zero Hour. Ah là, je suis déçu. Qu'il Qui soit pas plus haut? Ah ouais? C'est vrai que tu Je l'as bien pense. squatté, toi celui-là. Hein. Ah ouais, moi je l'ai pas rossé parce qu'il y en a qui l'ont fait certainement beaucoup plus que moi, mais ouais, j'ai quand même bien bien joué. Ouais, j'ai adoré ce jeu. Bah, l'aspect coopératif qui est une phase très importante, enfin qui était une phase très importante du gameplay parce que j'y rejouais il y a pas longtemps et les mecs maintenant c'est des snipers. Ouais. Mais au départ, franchement, c'est ça. J'étais un gros joueur d'airsoft, si tu veux, donc cette immersion quand tu pénètres, enfin tu fais des entrées de pièces et tout, le fait de se suivre, de communiquer, tout ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai retrouvé dans le jeu et c'est pour ça que ce jeu m'a beaucoup plu. Et je suis très très déçu qu'il soit pas plus haut dans le classement parce que je pense qu'il mérite au moins une cinquième place minimum. Pour tout ce qu'il apporte en tout cas et pour justement le côté coopératif et même multi un peu moins concon que uniquement Ouais, du du deathmatch frag. quoi. Ouais. Ouais. C'est le côté sympa. Est-ce qu'il n'est pas sanctionné par ces problèmes de serveur, de Alors aujourd'hui, il n'y en a plus, Ouais. très honnêtement, depuis la nouvelle Il y a mise à longtemps que jour. j'ai pas Par joué. Hein. contre, je pense que ce qui, à mon avis, lui fait vraiment défaut, c'est qu'il n'y a qu'un seul mode de jeu. Et pas de rematch que tu es toujours obligé de repasser par le menu, tout ça. C'est ça qui lui manque encore aujourd'hui, pour être Plein de vraiment, petites choses qui au le rendent top pas du assez top. fluide en fait. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est tout à fait ça. Le concept est bien, l'immersion est bonne, le jeu est vraiment beau, mais il manque quelques petits détails pour en faire un jeu un peu plus dynamique sur certains aspects et qui ferait vraiment pour moi que ça sera un jeu formidable. Encore plus qu'il ne D'accord. l'est maintenant. Ok. Bon, on va passer un petit peu plus rapidement sur les autres jeux. 12e place, Borderlands 2 VR. Vous l'avez fait Pas celui-là? touché. Pas touché? Non, je ne l'ai pas touché parce que je l'avais fait sur PS3 à En plat? l'époque. Ouais. Donc, non, pas envie de m'y remettre. Ça n'empêche pas que ça Ah, soit puis un pas bon de. jeu, hein, mais non. Ouais. Pas envie de Ouais, me mais je l'ai essayé replonger. juste un petit peu chez Spanx et franchement ça marche très très bien. Le seul problème c'est que voilà, toujours pareil. Hein. Normalement, Borderlands, c'est de la coop et C'est là il n'y a pas de ça, coop. c'est ça. Moi, je joue en coop sur PS3 et ouais. Tu le C'est sors le vraiment patch sur dommage. la PS5? Ah bah on espère. Bah déjà je crois que sur PC il vient de sortir et je crois qu'il n'y a pas la coop non plus. Hein. Non. Donc comme quoi c'est vraiment pas une question de puissance ni de quoi que ce soit, c'est juste que je sais pas, c'est de la flemme peut-être. Ou alors c'est peut-être trop compliqué de mettre des jeux VR en multi, mais enfin il y a beaucoup de jeux qui prouvent que non. Donc ouais, c'est vraiment dommage. Il y en a aussi un qui prouve que si. Ouais, Camille du temps. Tu prends No Camille du Man's temps. Sky. Et ben justement, merci pour la transition. Numéro 11, No Man's Sky. Oh là là, j'ai pas lu. Parfait. Tu es devin. Donc voilà, No Man's Sky, bonne surprise, hein. Bonne surprise quand il a été Ouais. annoncé. Et puis ça fonctionne plutôt pas mal, quoi. Ouais, il est cool. Que ce soit sur PC ou sur PSVR, c'est le jeu de l'infini. Le jeu, à mon avis, tes yeux peuvent crever derrière ton écran de ton casque avant de terminer le jeu. Quoi, avant, voilà, je dirais que c'est son plus gros défaut. Trop long ? Ouais. C'est jamais trop long. Moi, j'ai 100 heures de jeu. J'ai quasiment 100 heures de jeu dessus et j'ai dû faire 15% de la campagne principale. Quoi. Mmh. Ouais, ce qui est bien en plus, c'est que tu n'es pas obligé de le faire uniquement en VR. Tu peux aussi switcher. Oui. En plat, en VR, pour faire des constructions, ça peut être plus intéressant. Et voilà, Par contre, c'est une pratique qu'il faudrait qu'ils utilisent vraiment plus souvent. Quoi. Ouais, ouais, ça on l'a déjà dit en podcast, et c'est vrai que c'est important de laisser le choix aux joueurs, toujours. Ouais. Toujours c'est laisser ça le choix. C'est ça qui fera que la VR se développera aussi beaucoup plus, c'est le fait de laisser le choix aux joueurs. Quoi. Tu veux jouer VR, tu joues en VR, tu veux pas, tu joues en flat. Ouais. Basta. Numéro 10, Beat Saber. Bah, c'est surprenant là, ouais. Par contre, tu vois. Qu'il soit si loin dans le classement, quand même. Pour un jeu autant plébiscité. C'est le jeu le plus vendu, toute plateforme VR confondue, hein, surtout. Ouais, moi je le voyais il est loin. Dans le top 5, par contre. Mais il est loin aussi parce qu'il y a pas mal de pépites qui arrivent maintenant, quoi. Tu vois, au bout d'un moment, il faut faire des choix. Les gens font des choix au fur et à mesure, cumulent. Ils n'ont pas forcément joué parce que. Il faut voir aussi une chose, c'est qu'il n'est jamais en promo. C'est-à-dire que même s'il a été bien vendu par les fans hardcore de la VR. On va dire que les néophytes ont moins tendance à avoir l'occasion de l'essayer, quoi, celui-là. C'est vrai. Je pense aussi. C'est vrai. Mais... Et puis, il n'est pas si vieux que ça non plus. Hein, parce qu'on va voir hein, les jeux qui arrivent là, c'est quand même des vieux de la VR. Ouais, parce que j'allais dire, je l'ai essayé à la PGW l'an dernier. Mm. Il est sorti au mois de mai 2019, je crois d'ailleurs. Non, avril, il est sorti fin 2000. Fin 2018. Ouais, il me semble. Ouais. Non ouais, je sais plus. Je suis pas moi les dates. De toute façon, avec l'alcool, j'oublie tout. Donc. Ah là, il me semble bien. Attends, je vais chercher. Bah, t'as peut-être raison. Ensuite, numéro 9, on a Rush of Blood. Ouais. Très bon jeu aussi. Très bon. Voilà. C'est numéro. Ouais. Mais il mérite, je suis désolé. moi, je l'ai mis bien plus haut. Hein. De toute façon, Rush of Blood. C'est le jeu. Ça. Alors, tu vois, c'est le jeu que je fais toujours essayer à mes amis quand ils viennent à la maison et qu'ils n'ont jamais fait de VR. Ouais, c'est ça. Donc, je reviens sur Beat Saber. Il est sorti le 20 novembre. Donc, ouais, mais sur PC, non ? Non, sur le store, sur PSVR. D'accord. Donc, il va avoir un an bientôt. Ouais. Autant pour moi. Non, t'inquiète. Tu paieras ton coup à boire. Pas de problème. Avec plaisir. Deux, même si tu veux. Fais gaffe parce qu'il y a Sei et. Ouais, apparemment lui. Ça va, là, c'est bon. Hein. C'est minimum la bouteille. Ça va bien maintenant. De bière. Bouteille de bière. Voilà. De bière. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, faut le préciser. Exactement. Fumez-tu aussi. Voilà. Ouais, pour conduire, il faut choisir. C'est bon. Ensuite, numéro 8, Wipeout VR. Ouais, top aussi. Et tu vois, t'as que des pépites et c'est pour ça que t'as un Beat Saber après qui arrive derrière. C'est que t'as. Que des jeux qui tuent le game en fait sur PSVR. Ouais, mais t'as des encore pépites, regarde Rush of Blood. Oh, Blood. Oh, Rush of une. Blood, pardon. Of Blood. Oh, si, franchement, il crée de l'émotion ce jeu il aussi. Il a été quoi, gratuit, enfin... il a été. Il est toujours à la pointe. Regarde, Sei, t'en as fait le test il y a pas longtemps et le test a cartonné quoi. Il a bien. Tu vois, il a vraiment un public quoi. C'est, il intéresse toujours. Donc, ah oui, ouais. Bah oui, parce ouais, qu'il est bien. A bien vieilli. Il est bien. C'est pareil, c'est un jeu qui est fun quoi, à jouer. Contrairement à Robinson The Journey, ben, il a bien vieilli. Encore une petite crotte de nez pour Robinson. Oui, le classement parle de lui-même. C'est vrai. Là, on peut rien dire de plus. numéro 7, alors moi je suis plutôt étonné, même si je sais qu'il a un gros succès d'estime ce jeu-là, c'est Super Hot. Ouais. Vous l'avez fait celui-là? Non, j'ai essayé que la démo. Ouais. Et j'ai failli péter ma télé. Normal. Je te l'ai pas fait essayer celui-là, Cyril, quand t'es passé. Non, j'ai jamais joué en plus. Après, je joue pas à tous les jeux non plus, mais ça m'a jamais, jamais été emballé. Donc, je fonctionne beaucoup à l'affect, donc C'est le jeu, faut essayer. Hein. Pour l'adopter, faut l'essayer. Hein. Ouais, c'est vrai que la VR se prête beaucoup à ce jeu. Ouais. Mais je l'ai trouvé dur quand même. J'ai trouvé très dur au début. Faut arriver à appréhender justement le gameplay qui est un petit peu particulier, mais Mais pour l'avoir fait en plat, quand il était sorti en plat au tout début, et puis ensuite il est sorti dans une autre version en VR, c'est vrai que le gameplay en VR est démultiplié d'intérêt, quoi. C'est impressionnant. Ah bah oui, totalement. Mmh. C'est impressionnant. Alors qu'il était déjà, il avait déjà une sacrée bonne réputation en plat, quand la VR n'existait pas, et il a réussi à quand même se réinventer en VR, quoi. Donc chapeau. Donc, voilà. Ouais. Ensuite, on a en sixième position Skyrim. Ouais, je pense que c'est un jeu aussi qui a bien plu. L'immortel. Ouais. L'immortel. Indéboulonnable, increvable. On n'arrivera jamais à s'en débarrasser. Il sortira jamais le Elder Scrolls 6. Tant que Skyrim y tournera, les mecs, ils vont jamais faire la suite. On aura Skyrim 2. Ouais, c'est ça. Limite. Ouais. Ensuite, numéro 5, Farpoint. Alors, encore un vieux de la vieille qui revient. Formidable. Formidable. Première expérience, c'est un peu comme ta première copine, elle n'est pas parfaite, mais t'as quand même alors, des bons souvenirs. Moi, je l'ai fait bien après Firewall et tout ça, donc je l'ai fait très tardivement. D'accord. Mais par contre, je l'ai trouvé magnifique, j'ai trouvé la mise en scène très très bien. Les petites araignées qui te sautent dessus, elles m'ont fait hurler plus d'une fois. Elles font leur effet. Je l'ai trouvé, et puis l'araignée gigantesque à la fin, je veux dire, c'est torticolis, quoi. La dernière fois que j'ai eu aussi mal au cou, c'est quand j'ai peint les plafonds chez moi, tu vois. Donc, pour te dire à quel point elle est grande, tu vois. Non, franchement, ouais. Mais moi, je l'ai trouvé extraordinaire, ce jeu. Vraiment. J'attends une suite, d'ailleurs. J'espère une suite pour la prochaine génération. T'avais essayé la coop aussi, dessus? Non, jamais. Moi, c'est génial. C'est pas mal, ouais. C'est franchement génial. C'était pas mal. Et ça prouve, ouais. Monsieur Borderlands 2, que la coop, ça fonctionne aussi. Oui, c'est vrai. VR. C'est vrai. Oui, mais c'était pas le. À moi, il y a eu d'autres modes, mais c'était des. C'était pas l'histoire complète qui était en coop. Si tu peux faire la campagne solo. Hein. Il me semble pas. T'as un mode multi ou en team deathmatch, mais il me semble que tu peux faire la campagne solo. Je sais pas. J'ai joué au tout début quand ils ont proposé la coop et c'était pas le mode histoire, mais. Ouais, moi aussi. C'était des niveaux spéciaux. Après, je suis pas revenu dessus, mais possible que avec les différentes mises à jour, ça se soit. Mais je sais pas. À vérifier. Faudrait le relancer. Faudrait qu'on le relance. Ouais, ouais. Numéro 4, Resident Evil. Ouais. 7. 7. Vas-y. Pareil, on en a déjà aussi bien parlé. Ouais. J'ai pas pu. Bah, non, t'as pas pu ? Moi j'ai même pas essayé parce que bon, j'ai la trouille. Mais... Ah si, si, moi j'ai essayé, mais j'ai pas pu. Ouais, j'aime les jeux qui ont de la barbe, gna gna gna, j'aime les gladiateurs, et puis Resident Evil 7, voilà, ça se pisse dessus. Attends. Ah ouais, ouais, non, déception. Mais je pense que là vraiment le jour. Non, c'est pas possible. Non, il faut mettre un DSA à côté au cas où je fasse un arrêt ou un truc comme ça. C'est... J'ai même pas fini la démo. D'accord, carrément. Non, je... Kitchen ? Non, quand même pas. Non, pas le choix, t'es attaché. Donc... la beginning hour où tu es dans le manoir au tout début, c'est le début du jeu, quoi. Oui. Ouais, rien que le fait d'ouvrir une porte, ça me fait stresser. Ça, et me retourner. Catastrophe. Ah oui, ouais, quand c'est. Je me souviens dans Layer of Fear, tu sais. C'est un jeu plat, mais à un moment, t'arrives devant un mur comme ça et qui te dit retourne-toi. T'as et pas envie. Non, tu me prends pas pour un con. Je me retourne pas. Je ne me retourne pas. Ouais, il était pas mal. Là, l'ambiance est incroyable dans ce jeu. Vraiment. Ouais. Ouais. Je me suis dit, moi, j'ai rien vu de. J'ai pas eu de jumpscare, j'ai rien eu, j'ai juste vu le père, je sais même pas comment il s'appelle, du manoir là, qui passe quand tu ouvres une porte, qui passe devant la porte. Mm. Mais l'ambiance qui se dégage de ce truc, c'est juste incroyable. Enfin, c'est horrible, malsain, tout ce que tu veux. Ah oui, c'est malsain, mais c'est crado. Mm. C'est l'effet, la magie de la VR, quoi. On est en plein dedans. Bah, vous pourrez écouter notre dernier, enfin, le podcast précédent. On est revenu sur tous les jeux d'horreur en VR. Certifié Cyril approved. Du coup, on en parle pas mal de ce Resident 7, mine de rien, même si on voulait pas en parler au départ, en fait. Et puis finalement, on a dit tout l'amour qu'on avait pour ce jeu là. Bah, après, dans une ambiance là, on va arriver dans le trio de tête, dans une ambiance un petit peu plus légère, avec une petite souris, la petite souris de Moss en troisième position. Ouais, la petite bouffée de fraîcheur qu'on a eu sur PSV. J'ai honte, je l'ai pas fait. Tu l'as pas fait non plus? Non. Et bah écoute, quand on termine l'émission, tu sais ce qu'il te reste à faire. Non, il est vraiment bien. Ouais. Tu te jettes dessus. J'ai fait la démo par contre qui est très très bien. Je l'ai essayé et c'est vrai que c'est intéressant, mais j'ai pas fait. Non, et puis elle a Moss là, elle est attachante quoi. Elle est vivante. Ouais, t'as envie de la protéger, là, de la chérir, Ah de la prendre ouais. dans ta main, dis viens, moi petite. Et Pour l'anecdote, paf! j'avais ma femme à côté de moi quand je l'ai essayé la démo et à la fin de la démo, t'as le serpent qui arrive et elle était en stress pour la souris. Elle a dit non, elle va se faire bouffer et tout. Donc l'émotion, même si t'as pas le casque, Fonctionne quand elle est là, même. tu vois. Ouais. Ah, elle est attachante, ouais. C'est vrai, c'est vrai. Allez, pour la deuxième position des gangsters, du sang et de la vérité. Bon, je crois que c'est ça la traduction. Blood and Truth. Ouais. Ouais, Vous avez fait celui-là? mais. Ouais, magique. Ouais. La fin est Guirichi, mémorable. Guirichi en jeu vidéo, quoi. Je sais pas ce que c'est Guirichi. Guirichi, c'est le réalisateur de Ah, En Acrime et Botanique. Guirichi, j'avais pas compris, excuse-moi. Guirichi. La Guirichi, je ne connais Guirichi. pas. Ça commence. Ah non, mais je suis à l'eau, là. Ouais, c'est bon, c'est fini. C'est bon, c'est bon. On n'y reprendra plus. Mais. Ah non, c'est clair. Non, mais formidable ce Ouais, jeu. voilà, c'est Vraiment le dernier gros jeu, un quoi. fi ouais, un film interactif. Enfin, c'est j'ai pas de mots pour, enfin, pour qualifier ça, mais incroyable, Oh, vraiment. c'est de la balle. C'est pas mal ça Ouais, comme non, mot. je parle pas comme ça, mais ouais, franchement, comme diraient les autres, ouais, c'est de la balle, ça déchire. Non, voilà. Ah, et puis il est soutenu, quoi. Donc là aussi, encore une fois, c'est bien joué. Ils apportent régulièrement. Il y a déjà eu deux bonnes mises à jour, donc c'est intéressant, gratuite. Pareil, j'attends une suite ou un nouvel épisode, une autre histoire Oh, ou que quoi dans le oui. style pour la prochaine génération. Et là, j'y Ça crois beaucoup quand même. sera sur PS5. Ouais, c'est obligé. C'est obligé. C'est clair et net. Et puis, première position. Quelle surprise. L'indéboulonnable. L'inarrêtable. Bah, Astrobot, hein. Ouais. Astrobot, encore lui. Et voilà. On va peut-être pas pouvoir inviter Nicolas Doucet à chaque fois, par contre, vu qu'il va Non, être dans le top. non, non, non. Mais voilà, c'est bah encore le même. Et puis celui qui prouve par A plus B que les jeux de plateforme et les TPS, ça peut fonctionner aussi en VR et ça marche du feu de Dieu. Ouais, c'est sûr. Mais Je... oui, t'en as deux sur trois, quoi. Donc, Ah ouais, mine de rien. Mine de rien. Trio de tête. T'as Amos et t'as Astrobot, hein. Donc ça veut bien dire quelque chose, hein. C'est que jeu VR, c'est pas forcément FPS, hein. C'est pas forcément uniquement voilà, dans les yeux de ton personnage, ça peut être aussi la troisième vue, quoi. Donc c'est bien. c'est clair, c'est clair. Non, bah écoute, le classement, il est assez. Il est pas déconnant, je trouve. Il n'est pas déconnant, il y a deux, trois trucs qui m'ont fait tilter quand même, mais bon, après tout, c'est suivant le public, on doit noter, enfin voter surtout en fonction peut-être des jeux qu'on a vus ou qu'on a envie de jouer, ou auxquels on a envie de jouer, donc ce qui implique peut-être des vieux titres qui soient relativement bien classés, mais. Non, il est C'est ça. assez homogène. Ouais. Et là, je suis en train de regarder là. Je suis en train de regarder donc tout le top 50. Je crois pas que j'ai vu Job Simulator. Je sais Ah pas. si, putain. Ah non, attends. Ouais, si, il y est, putain. Bon, j'ai rien dit. Ouais, non, mais lui, c'est une valeur sûre aussi du classement, quoi. C'est un truc de fou, ce jeu. Ah mais jamais on va s'en Ouais. débarrasser. Hein. Moi, Il est au-dessus de Fisherman's Tale quand même. Hein. je l'ai C'est essayé, triste. j'ai pas du tout aimé. Et alors le Vacancy Simulator, j'ai trouvé que c'était juste de trop, quoi. Oh. Ouais, j'ai pas joué non Pourquoi? Ok, donc voilà. Bon, en tout cas, on remercie beaucoup tous les participants Ouais, je perds mes mots ce soir. Ce c'est un vote. vote De ce vote. qui fait office De ce vote. de concours, hein, parce qu'il va y avoir de mémoire une dizaine de gagnants. Avec des lots, des jeux à gagner, donc et des jeux sympas. De toute façon, on va vous faire un petit article qui va être explicite. Ouais, il va y avoir de bonnes surprises. Donc, ben voilà, ce sera pour remercier ceux qui ont pris le temps de jouer. Pas tous, hein, bien entendu, on peut pas, mais voilà, il y aura une dizaine de gagnants à peu près. Pareil que parce qu'on fait partie du site, on n'a pas le droit de gagner, c'est un peu Non, ah dégueulasse. non, mais c'est Non, normal ça. mais je sais bien. Ah merde, si j'avais su ça. Ouais. Bon, de toute J'ai pas façon, encore de barré. Hein, t'as dit que ton vote il Et avait tu pas reviens après. fonctionné en plus, donc Et tu reviens après. Voilà. Bon, bah impeccable. Bah, en tout cas, on vous remercie de nous avoir écoutés. Je te remercie, Majo, pour ta première participation. T'as assuré comme une bête. C'était avec plaisir. Ben, merci. C'était cool. Donc, t'es ici chez toi maintenant. T'as ton siège de prévu, toi, avec ton nom dessus. Voilà, derrière, là, tu sais, comme les stars, quoi. Ouais, c'est voilà. Ça. Voilà. Et puis, donc voilà, comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur PodCloud, vous pouvez nous retrouver sur iTunes, vous pouvez nous retrouver sur Deezer, sur Spotify, sur n'importe quoi. On remercie aussi les tipeurs, on les remercie pas suffisamment de nous soutenir avec leurs quelques deniers. c'est. donc voilà, merci à vous. Merci à eux et merci à tout le monde. Voilà, on vous aime quoi. Vous aimez les mecs. L'amour. Voilà, c'est ça. Allez, merci les gars. Je vous dis à dans deux semaines. Ouais, du coup, pour une nouvelle émission. Ça roule avec plaisir. Et puis d'ici là, ben, jouez bien en VR et puis bisous. Allez, la bise. Allez. À tout le monde. Ciao. Allez, ciao, ciao. Salut tout le monde. Ciao. Salut, ciao.